Oui. Amen. My question is talking about baptism. I want to ask, is it good for babies or children less than 10 or greater than 10 years to be baptized? Thank you. That is the first question. Is there any other question? Just ask all your questions at once, that so that we should vanish it. The second is, this chaplet and all these things for Catholics and Marians, is it authorized or is it the right thing? Good questions. So the third is, why are mostly wicked people always progressing in life? Thank you. Fourth is that the temple Solomon built? Yes. Is it destroyed and rebuilt by Muslim or is still present with the Muslims? Thank you. Fifth, the celebration of week 8 March for women. Yes. Most Christians also celebrate it. Thank you. Sixth, are women supposed to wear earrings or men wear chains? All of them. Thank you. 7. The Bible says in Deuteronomy 14, verse 18 to 20, you should not eat winged animals, insects. So, this grasshopper people usually eat outside. If you did a bad thing. And number 8, also continue with 21. Yeah. We should not eat dead animals that died naturally. Yeah. And we should only give them to foreigners. Wait. If you're a foreigner, and you come to your friend will be a dead animal naturally. Yeah. Are you supposed to eat? Why the Bible says we should not eat them? 9 is, David was a great warrior. Yeah. And he killed a lot of people. Why the Bible said in the commandment that should not kill? Yeah. What about it? So, I think that was a bad thing, but God still let him continue. That's very good. Thank you. Les questions intéressantes. Vous êtes d'accord qu'on répond à toutes ces questions? Oui. Si, s'il est possible, si vous êtes... Si... Voilà. Étouffé. Voilà. Si vous êtes fatigué, je propose que vous prenez... Quelqu'un va chercher de l'eau pour vous distribuer. Amen. S'il y a de l'eau... Est-ce que moi, je peux rester de me parler pendant une semaine? Oui. Si vous êtes fatigué, prenez une pause juste de 5 minutes. Ou bien quelqu'un va chercher de l'eau et venez, on distribue là. Il y a l'eau ici. Ok, donc si quelqu'un a soif, prenez de l'eau doucement, mais pas de désordre. Pour que nous profitons en temps. Oui, ça c'est après le rafraîchissement. On a des bonnes nourritures à manger ici. Donc prenons ceci en premier. Donc je voulais dire, si vous êtes en... Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'on va aller pour le rafraîchissement, personne ne doit avoir sommeil. Personne ne doit dormir. Là, la bouche va sortir. Chacun va dire que mon frère. Oui, que l'enseignement a été très bien. Alors que c'est la viande avec la sauce de maman qui est bon. Donc, nous allons répondre aux questions de ces jeunes enfants, les 9 questions. La première question qu'elle a posée, c'est concernant le baptême. Le baptême d'eau. Est-ce qu'on doit baptiser les enfants, le baptême des enfants de moins de 10 ans ou autre? Qu'est-ce que la Bible en dit? Puis on va toucher le cas de l'idolâtrie avec les catholiques et autres. Là, on va avancer au fur et à mesure. When I speak in French, do you understand what I'm saying? Ok, donc je vais parler en français, d'accord? Le baptême. Le mot baptême vient du grec baptiser, qui veut dire immerger. Donc baptiser quelqu'un, ça veut dire le plonger. Baptiser means to put inside. Donc on doit te plonger dans de l'eau. They have to suck you inside the water. Ça veut dire que si on a administré le baptême, comme les gens disent que je me suis baptisé quand j'étais petit, on a versé l'eau sur ma tête, tu n'es pas baptisé. As people said, when I was small, they baptized me. They are not baptized. Que tu as le carte de baptême, ça ne sert à rien. If you have a certificate of baptism, that does not mean anything. Que tu étais premier sur la liste. Et que tu as eu 20 sur 20 au catéchisme. Ça ne sert à rien devant le Seigneur. Parce que Dieu a ses règles. Et c'est lui qui a institué. And God is the one who did it. Alors lorsqu'on va dans la Bible, je crois que je vais être bref avec les questions là pour qu'on ne tire pas long, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on va dans la Bible, and when we go into the Bible, dans le livre de Marc au chapitre 16, Mark 16, le verset 15 15, et 16, 16, le Seigneur Jésus dit the Lord Jesus said, que allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira those who are going to believe, et qui sera baptisé who is going to be baptized, sera sauvé. To be saved. Maintenant, lorsque la Bible déclare que les disciples sont partis prêcher la repentance, and Bible says when they went to preach repentance, donc les gens ont besoin de la repentance. People need the repentance. C'est la repentance qui induit le baptême. It's the repentance that brought to baptism. Donc le baptême vient après que quelqu'un ait reçu l'évangile et ait cru. Donc repentance comes after somebody has received the gospel and belief. Donc lorsqu'il croit à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et qu'il comprend qu'il a besoin d'un sauveur et qu'il croit que Jésus-Christ l'a effectivement sauveur, l'a sauvé, il est qualifié pour être baptisé. Il n'a pas besoin de se faire trois années pour avoir la licence en baptême. Ou bien 2 ans où on négocie chaque année pour passer à l'année supérieure. Or to make 2 years, so they negotiate in every year to pass to the foreign class. Ou bien comme on est dans les pays des parents riches, on donne l'argent, l'enfant, on inscrit l'argent en troisième année. As we do in the land of parents who are rich, they give money and then they write his name in the third year. La corruption dans la religion. Corruption in high places. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Religion, it has nothing to do with the Lord. Cette même phrase que j'ai citée dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. And this very sentence are made in Mark 16, 15 to 16. Dans Matthieu chapitre 28. In Matthew 28. Le Seigneur Jésus a dit au verset 19. The Lord Jesus said in verse 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. He said, go and make ye therefore all nations disciples. Yes. Disciples from all the nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et enseignez-les. And teach them. La religion. No. La religion. The religion. Dit que Jésus avait tort. And said that Jesus was wrong. Qu'il vous faut 3 années. On vous enseigne d'abord. À la troisième année. On vous baptise. Jésus dit baptiser puis enseigner. L'homme dit enseigner puis baptiser. Qui a tort, frère? Les hommes. Dieu a créé les hommes droits et ils ont pris beaucoup de détours. Les choses de Dieu sont simples que vous voyez. Ouais. Vous voyez une femme prendre le rouge à l'école, elle met ici. Elle-même, elle voit, elle sait qu'elle est une poupée. Le savon qu'elle met sur son corps, ça brûle. Un temps, elle veut cacher seulement son doigt parce que l'autre côté, non, c'est pas la souffrance. C'est la grande. Elle met lui sur elle comme ça. Quand vous voyez, ça sent. Même ses cheveux, même quand ça sent, après, comme ça, elle dit j'ai les pellicules. Demande que tu aies l'appareil photo. Qui a les pellicules dedans. Elle tape comme ça. Qui a les pellicules. Les pellicules, c'est dans l'appareil photo, ça se trouve. Alléluia. Donc, lorsqu'on laisse les choses de Dieu suivre, on voit effectivement que le Seigneur c'est la liberté. Quand on est dans le Seigneur, on est dans la liberté. Vous sentez qu'il n'y a aucun fardeau. C'est la religion qui met le fardeau sur le cou des gens. It is the religion that put burdens on people. Le Seigneur Jésus a dit que prêcher, celui qui croit est qualifié pour être baptisé. Jesus said preach. The person who believes is qualified to be. Les gens prennent cela pour faire le commerce tout autour. People preach to make business. Il faut l'inscription au catéchisme. You need to be registered to catechism. On paye. You pay. Carte de baptême. Carte of baptism. On paye. On paye. You pay. Les habits blancs pour le jour là, on paye. Les bougies, on paye. Les marins, on monnaie. On achète maintenant les DJ qui vont venir animer le soir. You pay for the DJ. On donne maintenant l'enveloppe du pasteur ou du prêtre qui va venir pour consacrer nos baptêmes à la maison. C'est pas, ce n'est pas la sorcellerie au nom du Seigneur Jésus. Vous avez vu des choses comme ça dans la Bible? Donc Jésus a prêché, a dit aux disciples d'aller prêcher la repentance. Donc les gens ont besoin de se repentir pour être baptisés. Donc ça suppose donc que ce sont les gens qui sont conscients de leurs péchés. Et par conséquent, ça ne concerne pas les enfants. I preach to people about their sin, so that they will repent. That means, that is to say, it concerns people who are conscious of their sin. Donc, pas les enfants. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'on baptise les enfants. There is no Bible verse who says children are being baptized. Encore qu'à l'église catholique, à l'église protestante, comme on a dû le dire, là, ce n'est pas le baptême pour les chrétiens, c'est la consécration à la reine du ciel. Le rituel catholique n'a rien à voir avec le baptême dont on parle la Bible. It is not baptism, it is the ritual to consecrate the people. Parce que the Queen of Heaven. La reine du ciel, c'est Jérémie chapitre 7, la verset 14 suivant. Donc la Bible déclare que on a vu que le baptême veut dire plonger. And the Bible we say baptism means. Mais quelqu'un va, on dit qu'on verse trois gouttes sur sa tête. Il sort, il dit qu'il est baptisé. Il y avait un catholique qui m'avait posé la question. J'ai dit, ok, si tu viens demain. J'ai dit, tends-moi tes mains. Je prends l'eau, je dis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je verse sur ta main. Est-ce que tu es baptisé? Lui-même m'a regardé comme ça. Il m'a dit que non, c'est sur la tête qu'on a versé. J'ai dit, est-ce que ça veut dire où est-ce qu'on a écrit qu'on va verser l'eau sur la tête? Where is it written that they put it? Parce que si il verse sur ta main, c'est toujours ton corps. Ou bien il décide de verser sur ton orteil, le grand orteil. Même les catholiques vont dire que non, c'est que là, c'est pas le baptême. J'ai dit comme ça pour leur montrer que baptême, ce n'est pas ça. Parce que le mot baptême veut dire plonger dans. Because baptism means to put into. Et le modèle exemplaire, c'est le Seigneur Jésus. And the perfect example is the Lord Jesus. Il a quitté la Galilée pour venir jusqu'au bord du Jourdain. He went from Galilee to Judah. Il a enlevé ses souliers. He removed his shoes. Il a avancé dans l'eau. He went into the water. Dans Matthieu chapitre 3. In Matthew chapter 3. Verset 16. La Bible déclare qu'il entra dans l'eau. Bible says he entered into the water. Il sortit de l'eau. Went out of the water. Donc là, il merge. Quelqu'un se dit chrétien. Je vous ai dit non, il faut lui définir chrétien selon la Bible. Quelqu'un se dit chrétien. Quelqu'un se dit chrétien aujourd'hui. Il refuse de suivre le modèle de Jésus. Il accepte ce que les prêtres ont dit. Il se dit qu'il est chrétien. Il n'y a pas de chrétien catholique dans la Bible. Il n'y a pas de chrétien pentecôtiste. Il y a chrétien, un point, un trait. Et ce chrétien se réfère à. This Christian refers to à ceux qui vivent comme Jésus. Ou plus simplement disciples de Jésus. Qui suivent la discipline de Jésus. Who follow the discipline of Jesus. Et la discipline de Jésus dit que c'est dans l'eau. And the spirit of Jesus is in the water. Donc aucun catholique n'est baptisé conformément à la Bible. So no Catholic is baptized according to the Bible. Depuis le pape jusqu'au dernier catholique. From the pope. To the last one. Ils sont rebelles à la parole. They are rebels. Et par conséquent, ils ne sont pas des chrétiens. Consequently, they are not Christians. C'était que le Christ n'a rien à voir du fait que tu sois chrétien. C'était que le Christ, ou bien de dire que la paix de Christ soit avec vous, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. The fact that they say Christ must be with you doesn't mean that you are a Christian. Parce que le Seigneur Jésus a dit que je vais vous montrer tout cela qui vient à moi et qui ne garde pas mes paroles. Dans ce livre de Luc chapitre 6 verset 40 à 49. And in the book of Luke chapter 6, 40-40. Il dit que ce genre de personne est comme quelqu'un qui bâtissant sa maison a bâti sur le sable. Ça veut dire que sa vie chrétienne ne repose sur rien. That is Christian life does not Donc toute personne qui ne suit pas la parole de Dieu n'est pas chrétien. Donc everybody who does not follow the word of God is not a Christian. Ça peut choquer. It can be very difficult. Mais c'est la vérité. But it is the truth. Donc en clair, la Bible déclare qu'on doit baptiser pas les enfants, mais les gens qui sont matures, qui ont goûté le péché et ont besoin d'un sauveur. Donc the word of God says we should not baptize the children, so that we should baptize those who are tested, sin, and are mature and need repentance. Et ils ont besoin d'un sauveur, par conséquent, la parole vient leur adresser qu'ils ont besoin de changement de voie. And they need a savior, and the word of God comes to them and explain to them that they need to change their ways. Lorsqu'ils acceptent cela, ils sont prêts à être baptisés. When they accept this, they are ready to be baptized. Ils doivent être baptisés là. They must be baptized there. Il n'y a pas un renvoi. There is no postponement. Lorsque quelqu'un croit à l'instant, il doit être baptisé. When you believe at that moment, you must be baptized. Dans Actes chapitre 2. In the act of Acts chapter 2. Le verset 37 et 42 dit ceci. Verse 37 to 42 says this. Il eut le cœur vivement touché et il dit aux apôtres à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? They touched and they asked the apostles, what must we do? Parce que Pierre a prêché. Because Peter preached. Ça a touché le cœur. And the heart of people were touched. Les yeux se sont ouverts. The eyes were opened. The mains. Donc on est dans les sales draps. Yeah. That means we are in bad mood. Alors ils ont posé la question à Pierre. And they asked the question to Peter. Quelle est la voie de sortie? What must we then do now? Alors le verset 38 dit ceci. And verse 30 is said now. Pierre leur a répondu. Pierre said unto them. Repentez-vous. Repent. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ. Each and every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Pour le pardon de ses péchés. For the forgiveness of sin. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit que repentez-vous. Discover what he said. Repent. Et que chacun de vous. And let every one of you. C'est quand même une folie. It is a foolishness. Pour quelqu'un. For somebody. De dire que je me suis baptisé quand j'étais enfant. To say about baptism when I was a little child. Alors c'est sa maman qui l'a amené. Why it was the mother who brought him? C'est un acte individuel. It is an individual act. L'autre dit que si je me baptise, mon père va me tuer. The other one say if I baptize, my father will kill me. Tu veux me dire que je me baptise là sans dire à ma mère? You want to say my baptism no, without telling my mother? Oui. Donc tu dois te baptiser là. You must be baptized there. Le signe de l'acceptance de ça dans la soumission montre que le signe de l'obéissance de la croyance que tu as eue. C'est-à-dire que si tu refuses le baptême après que tu aies dit que tu as cru, tu n'as pas cru en réalité. If you refuse baptism after you say you have belief, that means you are not believe in truth. Donc tu te trompes tout simplement. You are deceiving yourself. Si vous regardez le livre de Luc au chapitre 7, verset 30. If you look the book of Luke in the chapter 7, verse 30. Vous avez remarqué, la Bible déclare que les pharisiens et les sadducéens, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont rendu nul effet le destin de Dieu dans leur vie. Amen. Vous avez vu cela? Oui. Le destin. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, ils tournent en rond sans savoir pourquoi, parce qu'ils sont dans la désobéissance. Et la vie chrétienne commence par là. Repentance, baptême. Les gens disent que non, je me suis repenti, mais ils refusent le baptême. Mais ils veulent connaître les mystères du royaume, tu n'avanceras pas. Amen. The mystery of the kingdom, they will not go far. Tu ne peux pas. Parce que les escaliers chez Dieu, c'est en escalier. Après que tu aies mis un pas quelque part, tu dois avancer un autre pas. On ne saute pas les classes chez Dieu. It's because the classes in the kingdom of God are step by step. They don't jump classes. Vous voyez quelqu'un qui a deux pieds. You see somebody who has two legs. Bien portant. In good health. C'est trouvant à Douala. Being in Douala. Où il y a l'eau. Where there is water. Lui, il pose la question. He asks question. Et qu'advient-il pour quelqu'un qui est malade sur le lit d'hôpital? How for the one that is sick in the bed of hospital? Alors qu'il s'agit de lui là. Why they are talking about him? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? What is he looking for? Donc on dit baptise toi. Il dit mais si quelqu'un est malade et qu'il est sur le lit d'hôpital, laisse la personne sur le lit d'hôpital. Et si quelqu'un ne peut pas marcher, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, il a deux pieds. If somebody cannot walk, what must we do? Ça, c'est les déraisonnements pour fuir la parole du Seigneur. D'autres disent que si on est dans un pays où il n'y a pas l'eau. Et hier soir, ils n'ont pas su, parce que vous le voyez à côté. They used to be... Mais il veut résoudre le problème de quelqu'un qui se trouve dans un pays où il n'y a pas l'eau. Tout ça pour fuir le baptême. Mais il peut courir, aller prendre la femme de Dieu, aller à la nage avec elle. Il plonge dans l'eau là, il nage. C'est amusant les pensées humaines. It is one of mine. Je suis allé à Garoua pour chez un colonel là-bas au camp militaire de Garoua. I went to Garoua to a colonel there in the camp. J'ai prêché au camp militaire, le colonel a cru avec sa famille. I preached there, the colonel believed with his family. Il nous a porté dans la voiture militaire, on partait chercher, c'était en saison sèche, on cherchait des cours d'eau là-bas à Garoua. They carried me in the army motor and were looking for a river in Garoua. On était avec sa femme. With the woman. On arrive, on a trouvé un cours d'eau, l'eau diminuait déjà. We met a river there and water was going down. Il y avait des gens dans cette rivière qui sortaient le sable. People were there removing sand in that river. Et les bœufs étaient dans l'autre côté pour boire. And the cows were there to drink. Lorsqu'il a fini de baptiser le colonel avec son épouse. When I finished baptizing colonel with the wife. Les gens qui sont dans la même eau en train d'enlever le sable. The people who were in the river removing sand. Je me tourne là-bas, je leur prêche. I turned there, I preached to them. Il dit, si vous croyez, vous baptisez ici. L'eau dans laquelle ils se trouvent, ils ont refusé. C'est terrible, je vous le dis, c'est terrible. Et tout à l'heure, ils vont entrer à l'intérieur, aller chercher le sable, sortir. Je leur dis que si vous acceptez, je vous baptise ici, c'est votre eau, c'est vous qui travaillez là-bas. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que l'autre humain cherche toujours des voies détour. Mais si le prêtre vient avec le gandoura blanc. Et dit, mon fils, paye 5 000 à l'église, on inscrit ton nom là-bas, et on verse l'eau sur ta tête, il va accepter ça volontiers. Et là, on le conduit dans, et là, on le déçoit, on le conduit dans la voie de la déception. C'est terrible ce que l'être humain peut être. Donc le baptême c'est pour les gens qui sont mûrs, pas pour les enfants. Amen. La deuxième question qu'elle a posée, elle a demandé si l'utilisation des crucifix et autres là-bas, comme les catholiques le font, c'est biblique. She asked whether all these spiritual items like crucifix and everything is biblical. La Bible nous enseigne que c'est par la foi qu'on doit marcher et non par la vue. Bible says it is by faith that we're supposed to walk, not by sight. L'origine des cultes des reliques au milieu catholique, ça a l'origine païenne. The origin of this religious item in the Catholic area comes from the pagan. C'est pour ça qu'on appelle catholique. Catholique veut dire universel. That's why they call it Catholic. Catholic means universel. C'est-à-dire que ça accepte tout le monde. That vous allez voir que vous prenez n'importe quelle religion du monde, il y a les éléments qui se trouvent chez l'Église catholique. You see that when you take any religion in the world, you're going to see that they have their property in the Catholic Church. C'est pour ça qu'un bouddhiste peut s'en sortir là-dedans. That's why a Buddhist can be well in the farm. Parce qu'il est habitué à la statuette. Yeah, is used to. Statue. Il peut s'asseoir aussi avec le musulman. Il est habitué à compter des choses comme ça. Used to count things. Donc le bouddhiste, le musulman, le catholique, ça c'est sans problème. Donc bouddhiste, catholique, musulman, they sit down together without any problem. Si l'autre s'assoit, il est en train de se contempler son temple de bouddhiste. Si tu veux, tu comptes ce que tu comptes, c'est ton problème. Donc if somebody is sick and then he is looking his thing of Buddha, c'est ce que la Bible. C'est ce que la Bible appelle la prostitution, Babylone la grande, la mère des abominations. That's why the Bible calls prostitution Babylone the greatest. Et c'est avec cela qu'elle a enivré toute la terre. Elle a enivré toute la terre. That is what she controls on the earth. Vous ne verrez nulle part ces choses-là dans la Bible. You see this thing nowhere in the Bible. Si Dieu veut, on fait seulement un séminaire pour expliquer cela. Vous invitez les amis catholiques, on les présente, images à l'appui avec les preuves. Vous allez voir l'origine de ces choses. If you like, we organize a seminar, we invite those Catholic people and we present them to them all the proofs. Et que les prêtres soient là. Quand on parle, il dit seulement si c'est oui ou c'est non, c'est qu'on a le dit. Vous allez voir que les preuves vont vous dire que oui, ce qu'il dit est vrai. Parce qu'on peut repérer cela dans l'histoire. Because they can find it in the history. Il n'y a pas le rosaire, les prières des anges, les reliques, l'utilisation des saints dans la Bible. Prayer of saints and everything, nothing like that in the Bible. Mais vous allez chez ceux qui s'appellent chrétiens. But if you go to those who call themselves Christians, ils ont construit des hôtels ici. They build altars here. Ils mettent la bougie. They put down this. Ils mettent l'archange Michael là-bas avec un couteau comme ça. They put the green light there with the knife. Marie qui est là comme ça. Mary that is there like. Et Jésus qui est encore à la croix, il pend comme ça avec le sang qui coule sur lui. Jesus who is still on the cross with the blood flowing from his. Et elle est là prosternée. She is bending down. Son Jésus à la croix, il crie à l'aide. Jesus is on the cross crying to help. J'ai dit son Jésus est à la croix, il crie à l'aide. Jesus is the cross crying for help. Elle est en bas en train d'attendre l'aide aussi de celui-là. And she is down, hoping help from the Jesus on the cross. Qui va aider qui? Who is going to help? C'est quand même terrible, pas vrai? La Bible déclare à quoi sert une image taillée, une image en forme pour qu'un homme se prosterne au devant. Prenez le temps de lire Esaïe 44, 47 et 49. Take time to read Isaiah 49. Où le Seigneur appelle à la conscience humaine. Where the Lord is calling the human conscience. Il dit que qu'est-ce qui ne va pas chez vous? What is wrong with you people? Vous coupez du bois. Vous coupez du bois. You cut the wood. Une partie, vous faites le feu. You make firewood. Vous faites une bonne nourriture. You cook good food. L'autre, vous faites la chaise. And the rest, you make a chair. Vous faites la table. You make table. Le reste de cette même arbre là. And the rest of that very tree. Vous faites un dieu, vous prosternez. You tu t'assois sur la chaise. You sit on the chair. Mange la nourriture que le bois a préparée. Et prie le dieu de ce bois là. Et c'est toi qui as mis la peinture sur son nez. Tu mets dans le même feu le jour où le bois manque. I'm preaching that the pastor is loving all than the translator. Si le bois de la nourriture manque un de ces jours, c'est lui il peut servir du bois. C'est pas ça. Hein? Il va brûler. Et c'est toi qui prends soin de cela. Après tu l'invoques. Dans ce Esaïe 44, 45 et 47, Dieu appelle à la conscience humaine. Que réveillez-vous, réveillez-vous. C'est pas normal ce que vous faites. D'autres maintenant ont pris plutôt le ciment. Cette même parole de Esaïe pourrait dire avec une partie du ciment, that with a part of the cement, il fait le mur. He make the world. Avec l'autre partie, with the other part, il fait le Dieu. Il make the gods. The gods. Il prend une peinture blanche, il met sur le mur comme ici. And he take white paint, he put on the wall like this. Le reste, il met sur les habits de Marie, que ce soit blanc. The rest, he put on the clothes of Maria, so they shall be white. Se prosterne sur ça. And he bow down before him. Dieu dit quelque chose ne va pas chez lui. God says something is wrong with your mind. Remarquez dans les sanctuaires, Maria, c'est un maçon qui vient faire cela. Après, on met les chaises là-bas, il vient s'asseoir, pas vrai? Discover that in the statue of Maria, ces personnes qui font ces choses que vous mettez à la maison, ce sont eux qui font cela en route, ils vendent. Those people who consume here, they are the same people who make this thing and put on the roadside and sell it. Je vous lance le défi. I challenge you. Allez voir quelqu'un qui a conçu ces choses pour l'église catholique et a pris son argent. Go and look. These people who build this thing for Catholic Church and collect. C'est-à-dire le maçon qui est venu le faire. The bricklayer who come and make it. Demandez d'aller prier là-bas. Ask him to go and pray there. Il ne partira pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas Dieu. Parce que c'est lui qui a fait. N'est-ce pas Dieu est créateur? Si c'est l'homme qui fait son Dieu, maintenant il y a un problème. Il y a un problème, pas vrai? Donc, la vie chrétienne ou bien la vie des saints est incompatible avec les idoles. Christian life is incompatible, is not match with the idols. On n'invoque pas les anges. They don't invoke the angels. Il y a des gens qui ont les carnets de prière, Marie dénoue les nœuds. There are some people who have book of prayers, Marie watching in the night. La litanie de Saint Jérémie. Litanie of Saint Jeremiah. Saint Barthélemy. Saint Barthélemy. Rita qui dénoue les deux les nœuds les plus difficiles. As you hear it. Et ils font comme ça là, le problème subsiste toujours. As they did it like that, a problem always increases. Ils seront sérieux les cinq qu'ils sont à l'église. They are very serious when they say they are in church. Ils meurent comme ça, on les enterre. They die and they bury them. On vient encore prier pour leur corps. And they come and pray again for their body. Pour qu'ils le purgatoire pour le ciel. They pray for the purgatory. Donc même étant morts, ils ne sont pas en repos. Though even being dead, they are not in peace. Alors que jour après jour. Why day by day? Ils récitaient 150 fois. They will continue reciting. Je vous salue Marie. 150 times. 150 times. Je vous salue Marie. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Sorry for me, poor sinner. Donc 150 fois depuis la naissance. 150 times from jusqu'à sa mort. Marie n'a pas agréé sa prière. Marie a pas yet answered the prayer. Au point où on doit passer maintenant dans le purgatoire. Now they are going to go into purgatory. Que Dieu réveille plutôt les enfants qui se trouvent chez l'Église catholique. May God awake those who are in the Catholic area. Ayez pitié tout simplement, c'est les ténèbres, d'accord? Sorry, then it is darkness. Et c'est ainsi pour toute personne qui renie la parole du Seigneur. It is like this to everyone who forsake the word of God. Parce que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Because the word of God is a lamp on our feet. Si on veut marcher, vérifie comment la parole de Dieu dit. If you want to walk, check how the word of God says. La Bible déclare dans Psaume 119. And the word of God says in Psalm 119. Verset 4. Verse 4. Que tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. That you give your ordinances so that they should follow it strictly. Strictly. Mais le verset 9 dit. Verse 9 says, comment le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers? How the young man is going to make his way straight? Puis il répond dans le même verset. And he answers at the same verse. En se dirigeant d'après ta parole. By walking according to your way. Donc si vous voulez marcher droit devant le Seigneur. So if you want to walk uprightly before God. Vérifiez seulement que c'est conforme, votre vie est conforme aux Saintes Écritures. Just check that everything is according to. Si votre vie est alignée avec la parole du Seigneur, if your life is according to the word of the Lord, même si n'importe qui vous dit n'importe quoi, if anyone say to you any other thing, ne bougez pas de là. Don't shift from that. Vous êtes en règle avec le Seigneur. You are in line. La parole de Dieu vous regarde. The word of God look at you. Si ça vous condamne, if he condemns you, alors si Dieu vient en personne, c'est ça qu'il va te dire. If God came in person, that is what is meant to tell you. Amen. Amen. On passe aux quatrième question. Troisième question. C'est la troisième maintenant ou bien la quatrième? On a fini. Troisième question maintenant. Voilà. Pourquoi les gens les plus méchants prospèrent? Why the wicked ones prosper much? Lorsque vous lisez la Bible, vous serez confronté à cela. When you read the Bible, you are going to discover it there. Le prophète Asaph s'est confronté à cela. The prophet Asaph confronted himself to that very matter. Si vous lisez Jérémie chapitre 12, if you look, you read Jeremiah 12, chapter 12, il a été confronté à cela. He had the same problem. Mais la Bible nous donne une révélation merveilleuse. But Bible gives us a wonderful revelation. Que si le riche, que si les méchants prospèrent comme ça, that if the wicked prosper like this, c'est pour être coupé et jeté. They are going to be cut off and thrown away. Alors Asaph dans le psaume 70. Asaph, according to Psalm 70. Il dit, et quoi donc? And so what? J'ai lavé ma main dans l'innocence. I washed my hand in. J'ai vécu dans l'équité, la justice, la droiture. And I live in uprightness and holiness. Et pourtant ma vie ne donne pas. Why my life is miserable? Il dit quand il a regardé les méchants. And when he look at the wicked, la Bible déclare qu'ils tentent Dieu et ils échappent. He said they are tempting God. Leur pouvoir est dans leurs lèvres. And their powers is in their tongue. La Bible déclare que il dit, oh, hey, toi, tu sais Dieu non? Fous le camp avec ton Dieu. They mock at you with their tongue. Vous allez dans un travail pour déposer votre dossier, lui il négocie avec la corruption, il passe. You go and drop your application, he come and give money and you obtain the work. Pour les femmes, il part coucher avec le patron, donne le travail. For the women, they go and sleep with the manager and they give them the job. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas avancer le pied dans cette direction-là. And you yourself, you know that you cannot put your leg in that. Tu pries, Dieu, tu envoies le feu à gauche, à droite. Fire, left and right. Quand tu ouvres des yeux, and when you open your eyes, on prend le mondain. The worldly one is being taken. Tu rentres, tu dis que tu as la face du Makero. And you go back and you say you have the face of Makero. Non, c'est le capitaine même. Pourquoi Dieu fait ces choses-là? Parce qu'il fait les choses d'après ses écritures, pas d'après nous. Why God does this thing? He does things because according to the scripture, not according to our feeling. C'est pour cela qu'on a amené un style d'évangile, l'évangile de prospérité en milieu chrétien. That's why they bring another style of gospel. The gospel of prosperity. On essaie de faire comprendre aux gens que s'ils sont en Christ, c'est que tout doit leur réussir. And they make people to understand that if you are in Christ, everybody, everything will succeed. C'est un mensonge terrible. It is a big lie telling. Examinez chaque personne de la Bible, vous allez voir qu'ils sont passés par les souffrances. Examine all the true worshippers in the Bible, you are going to see that they pass through difficulties. Chacun pour sa part. Everyone in his own city. Et ils passent par les difficultés, pas qu'ils vivaient pas dans le péché. And they pass through this difficulty, not that they were sinning. Si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 8 et suivant. If you read Hebrews 12:8 and forward, la Bible déclare que si vous n'avez pas part au châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes. The Bible says if you don't share the same punishment in which everyone partake, that means you are on legal child. Donc tu es un enfant illégitime. You are on legal child. Donc c'est pour ça que vous voyez les gens s'habillent aujourd'hui bien dans les dénominations, ils disent que non, nous sommes juste à la terre, je suis en bas, je suis... Non, non, Dieu n'a jamais dit que tu es la tête. Il a dit que si tu oublies la parole de Dieu, je ferai de toi la tête et non la queue. And people dress well, very well in the assembly today and say, I am the head and not the tail. God has not said you are the head and not the tail. God said, if you obey my word, me, I'm going to make you the head and not the tail. Donc, ce n'est pas toi qui te fais tête. It's not you that make yourself the head. Et il finit de dire qu'il a la tête et non la queue. Il sort, il négocie avec le bensikineur. Que laisse à la maison, là, j'ai 100 francs. Le bensikineur a pitié de lui pour prendre les 100 francs. Pendant que le mondain, lui qui rentre de la boîte, rentre avec le VX de son père. Il n'a pas récité pour être là-bas. Ah, ça va dire que quand il a médité, c'est ça que comment se fait dire que c'est ceux qui tentent Dieu réussissent, ils font le projet réussissent. Il dit que il a médité ça, il dit que c'est là c'était terrible dans ses pensées. Asaph said he meditated over all those things that people who tell God has succeeded. When he continued to think about it, il dit que il a fait ça jusqu'à ce que son pied allait fléchir. He said he did it until his legs nearly go astray. Donc il voulait faire comme le monde. He was about to copy the worldly people. Et il a dit que si je faisais comme ça, je trahirais la race de ton peuple. He said if I did like this, I will betray the race of your people. Et donc par conséquent, il veut dire la race de son peuple ne fait pas comme ça. And he wants to say that people of his own race does not behave like that. Prenez seulement Israël qui est le peuple de Dieu. Just like Israel, that is the people of God. Lisez votre livre dans Deutéronome chapitre 4. Read your Bible in Deuteronomy chapter 4. Et au chapitre 8, le verset 1 à 6. And chapter 8, 1 to 6. Dieu dit, God says, il dit, je t'ai fait passer dans cette Afrique désert. I made you to pass through this terrible desert. Pendant 40 ans. For 40 years. Tes souliers n'ont jamais été usés. Your shoes were never got rotten. Et tes vêtements ne sont jamais déchirés. And your clothes was not torn. Il dit que je t'ai fait passer par la famine. I'm making you to pass through famine. Et dans toutes ces difficultés là. And all in all these difficulties. Afin de t'humilier. So that I can humble you. Afin que tu comprennes que. So that you understand that. L'homme ne vit pas de pain seulement. Man will not live by bread alone, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. But also by every word that comes out from the mouth donc, of God. Donc quelqu'un peut être dans les difficultés que c'est Dieu qui a nous l'a gardé. So somebody can be in difficulties that is God that is keeping him. Et there. C'est le Seigneur qui le prépare à entrer dans une destinée. And God is preparing him to enter into another destiny. Allez interroger Joseph en Égypte. Go ask Joseph in Egypt. Il va te dire ce que c'est que être esclave chez les non-chrétiens. He tell you what is meant to be. Il va te dire ce que c'est qu'être accusé injustement. Et de subir les injustices jusqu'en prison. To endure unrighteousness unto prison. Sans murmurer. Without murmuring. Vérifiez, revérifiez dans votre Bible, vous allez voir que Joseph n'a jamais prié contre ses ennemis. Take the Bible and you discover that Joseph did not pray. Mais, to one day against mais nos amis les pentecôtistes d'aujourd'hui. But my friends, the Pentecostal one of today. On dit que vous connaissez tous les sorciers de votre famille. You know all the witchcraft of our family. Il tombe, il meurt. C'est là où vous voyez chacun dit que je coupe, je coupe, je découpe, je coupe. Et le Seigneur dit priez pour vos ennemis. And the Lord said, pray for your enemies. Joseph n'a jamais prié malgré qu'il était dans la difficulté. Il a compris qu'aucune difficulté n'est permanente dans la vie d'un enfant du Seigneur. He understood Amen. That no difficulties is permanent in the life of the children of God. En tant que chrétien, as a Christian, la maladie d'un chrétien n'est pas comme la maladie d'un mondain. The sickness of a Christian is not like the one of a La difficulté d'un chrétien n'est pas comme la difficulté d'un mondain. The difficulty of a Christian is not like the one of a worldly man. Parce que dans la difficulté des chrétiens, because in the difficulty of a Christian, c'est l'école de graduation de Dieu. The school of graduation of God. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 28. That's why Apostle Paul said in Romans 8:28. Que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. We know that everything works out for good for those who love God. Quand il dit toutes choses, he say everything. Il ne dit pas seulement bon. He does not say only good things. Ça veut dire qu'il y a même les mauvaises. He say even bad things. Lui-même est une application même de ce verset. He himself is an application of that very verse. Quand il a eu la vision dans Actes chapitre 16. When he had the vision of Acts chapter 16. Un Macédonien. Macedonian qui est venu en songe came to him in lui a dit que passe à Macédonie et secoue nous. He said, go to Macedonia and help us. Dans la vision, and in the vision il n'y avait pas de grilles de prison. There was no prison man there. Il a seulement vu passe à Macédonie et secoue. He just simply see Macedonia, go to Macedonia and help us. Et non, la vision ne présentait pas la prison. The vision was not showing prison. Mais le Macédonien était à l'intérieur de la prison. But the Macedonian man was in the inside of the prison. C'est lui qui a écrit que nous savons que du reste que toutes choses concourent au bien. And he is the one who wrote that we know that everything works for good for those who love. Quand on l'a chicoté, envoyé en prison. When they came him and sent him into prison. Pendant qu'il était en train de regarder ses blessures. When he was looking at his wounds. En louant le Seigneur. And praising God. Dans cette difficulté. In this difficulty. Sans disant que Seigneur, tu es vengeant dans cette vie-ci en tuant les juges et les magistrats. He did not say, kill the judges and all the magistrates. Il chantait les louanges du Seigneur. He was singing the praises of God. En prison. In prison. Ayant délivré une femme pour lui rendre la liberté. Amen. By delivering a woman. And setting her free. Vous vous souvenez de cet événement que j'en ai parlé? Yeah, we remember this event that. C'est à cause du fait qu'il a délivré cette femme qu'on a emmenée en prison. Il n'a pas fait quoi que ce soit de mauvais. It is because of this girl that he delivered that they sent him to prison. Donc vous pouvez faire du bien, on vous envoie en prison. So you can do good and they send you to prison. On n'envoie pas le feu sur le magistrat. On ne dit pas que tes dossiers soient disparus au nom de Jésus. They don't send fire on the magistrate. Mais il est. They let all your malfaits disappear in the name of. C'est ce que les pentecôtistes d'aujourd'hui faisaient. Ferait. Is what the Pentecostal church of today are doing. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas inquiété avec Silas. Paul and Silas they did not bother. Il savait qu'il avait été appelé à une mission pour plus grande. They know that they were called unto a greater mission. Donc, s'il est en prison, ce n'est pas permanent. So if he is in prison, it's not permanent. Et c'est là où le geôlier qui est venu en songe est venu se présenter à lui pour être sauvé. That's where that very keeper came to him and presented himself to be saved. Le cas de Joseph, il dit tout à l'heure là. And the case of Joseph, I said earlier. Il avait vu en vision. He saw a vision. 11 gerbes. 11 grasses. Tombant devant sa gerbe à lui. C'est pas ça. La gerbe n'avait jamais montré l'esclavage. Ça n'a pas montré la partie de la prison. Mais quand on l'a vendu, il a beau prier n'importe, crier n'importe comment. Il pouvait être dans la prison en disant que mais j'avais vu une vision. It can be in prison and say, I saw a vision. Mais Dieu ne lui a pas dit où ça devait s'accomplir. But God did not tell him where it has to be fulfilled. Jusqu'à ce que Dieu lance la famille sur la terre. Until God brought famine. Il envoie les 11 d'aller se prosterner devant lui. And send the 11 to go abandon before. C'est ce moment que la gerbe est venue se prosterner devant lui. And this is the moment that those grasses come about before him. Donc Dieu peut te montrer une vision sans donner les détails tout autour. Donc God can show you a vision without showing the suffering. Tu dis, ah, je rêve, je vois comment il tend la main à un malade, malade est guéri. Tu dis que merci Seigneur pour le don de guérison. Mais il ne te dit pas où la personne pour qui tu vas prier est. C'est quand on te tape comme ça, tu fuis, tu pars quelque part pour te cacher. When they beat you like this, you go and hide somewhere. C'est pour ça que c'est là où tu vois la personne qui est malade. That is where you see the person that is sick. Or, dans la vision, Dieu ne t'a pas montré qu'on t'a tapé. But in the vision, God did not show that they beat you. C'est comme ça que Dieu fait, d'accord, frère? That is how God does. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Avant, on va avoir les questions ici. Oui. Cinquième. Elle a des questions très intéressantes. Quatrième. The temple of Solomon that he built, is it still raining now or it has been destroyed and built in the same situation? The Muslims. Bonne question. Donc, elle demande si le temple que Salomon avait bâti dans l'une des deux rois, c'est le même temple qui subsiste maintenant ou bien ça a été reconstruit par les musulmans. Nous sommes en train d'aborder une phase de l'histoire du monde qui est terrible pour l'Église. Nous avons maintenant une partie de l'histoire qui est terrible pour la Church. Vous avez des questions très intéressantes. C'est pour ça que si on avait un endroit où on a le temps pour parler ainsi, ou on prend des pauses pour vous amener dans la Bible, on amènerait. You have many interesting questions, that's why if we have time, we have prepared a place where we can Parce que même votre cœur désire avoir cela, mais votre corps n'y prend plus. Because you have desire to have this, but your body is on that week. Donc, le premier temple avait été construit sous l'inspiration de David. The first temple was built under the inspiration of King David. Dieu lui a révélé qu'il était un homme de sang. Donc, je crois que ça implique l'autre, le meurtre dont il a parlé. Dieu lui a dit que c'était un homme de sang, il a versé beaucoup de sang, donc il ne peut pas construire son temple. God said he was a man of blood, he shed a lot of blood, it cannot be his house. Puis il donne cette prophétie du Seigneur Jésus. And he gives the prophecy of the Lord Jesus. Que c'est ton fils qui me bâtira un temple. That is your son that is going to build me a temple. Parlant du Seigneur Jésus. Talking about the Lord Jesus. C'est celui qui va ériger le corps de Christ. And he is the one who is going to make the body of Christ. Là directement il dit qu'il sera pour moi un fils, il sera pour lui un père. He said he's going to be for me a son and I'm going to be him a father. Il parle là du Seigneur Jésus Christ et de l'Église. He's talking about the Lord Jesus Christ and the Church. Mais physiquement il fallait une manifestation. But physically he need a manifestation. Salomon a donc conçu le temple. Donc Salomon did it. Quand vous allez lire 2 Rois chapitre 8. When you are going to read the second King chapter 8. Ou bien 2 Chroniques chapitre 8. Or second Chronicles chapter 8. Lorsqu'il vient inaugurer le temple. When he came to consecrate the temple. Alors il commence à prier. And he start to pray. Il se met debout, il lève la main. He stand up and start to raise his hands. Puis subitement le Saint-Esprit vient sur lui. Suddenly the Holy Spirit came upon him. Il comprend que le temple physique qu'il est en train de faire est une image. He understood that this temple is an image. Il dit et quoi? He said and what? Le très haut habiterait-il dans le temple fait de mains d'hommes? Does the Most High dwell in a temple built by man's hand? Il dit voici les cieux ne peuvent le contenir. He said this man heaven of heaven cannot contain him. Quand il a compris que c'était une représentation. When he understood that it was a representation. Il a supplié Dieu. God. Sachant que Dieu n'habite pas là-bas. Knowing that God is not staying. Que à cause du fait que son nom est invoqué là-bas. That because of his name being called there. Que chaque fois quand les gens vont venir prier là-bas, qu'il exauce du haut des cieux. Il dit du haut des cieux exauce. That means any time people are going to pray, they come there and pray. Them from heaven. Il savait que Dieu était au ciel. He knew that God is in heaven. Mais son nom était là-bas. His name was there. Il dit même quand les Juifs vont aller en étranger, à l'étranger, amener captifs par suite de leur désobéissance. He said even when the Jews are going to go in foreign land because of their disobedience. Si de là où ils ont été amenés captifs, s'ils reviennent en eux-mêmes. If where they were captive, if they come back to themselves. Ils demandent pardon. en se tournant vers Jérusalem. Que Dieu pardonne et les ramène dans leur pays. Et vous, si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir effectivement que les Juifs ont été amenés captifs. If you read the book of Daniel, you discover that the Jews were brought captive. Et au chapitre 6, la Bible déclare qu'on a mis Daniel dans la fosse au lion parce qu'on avait demandé, interdit la prière. And you see in chapter 6, they say Daniel was put into the lion den because prayer was forbidden. Et là, il entrait dans sa chambre, il priait en direction de Jérusalem. And he entered into his room and he was praying towards the direction of Jerusalem. Et dans le chapitre 9, and in chapter 9, il a tourné son cœur avec le cœur de son peuple vers Dieu. And he turned his heart and the heart of the people towards God. Et finalement, Dieu les a fait revenir dans le pays comme and Salomon finally, avait dit. God make them to come back to the land as Solomon said earlier. Dans le temple de Jérusalem bâti là-bas sur le seul mont Morijala, comme on dit dans les enclaves, était des prophéties. The temple of Solomon built on Mount Morija was a prophecy. Ça c'est le premier temple. That one was the first. Alors le temple a été détruit. That means that temple was destroyed. Le temple a été détruit, ça a subi beaucoup de dommages plusieurs années. Several times the temple was being destroyed. Si vous lisez Jérémie, if you read Jeremiah, vous allez voir effectivement que Nebuchadnezzar est venu mettre le feu là-bas. You see that Nebuchadnezzar came and destroyed it. Ils ont reconstruit, donc ils ont refait. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, when the Lord Jesus came, le même temple était là-bas. The same temple was there. C'est-à-dire le deuxième. The second one. Que Agé et Zacharie et autres là-bas ont bâti. And Zachariah, all the rest they built. Maintenant, after that, le Seigneur Jésus sortant de Jérusalem, the Lord Jesus coming out from Jerusalem, dans le livre de Matthieu. The book of Matthew. Alors les disciples ont fait commencer à dire à Jésus que regarde les pieds sur lesquels c'est bâti. The stone of the temple high is well built. Ils ont commencé à apprécier l'œuvre humaine. And they start to appreciate my work. Le Seigneur leur a dit, the Lord said, il ne restera pas ici pied sur pied qui ne sera détruit. No stone is going to be left here without being destroyed. Et effectivement, and effectively, en l'an 70, ça a été détruit. In the year 70, the temple was destroyed. Par Titus. By Titus. Alors le temple avec les Juifs ont été détruits et les sortaient sont amenés captifs. And it was destroyed and the Jews were brought captive. Dans la guerre, dans la période des guerres musulmanes, la guerre qu'on appelle l'Empire ottoman. In the time of Muslim war, quand they call Ottoman Empire. Quand ils faisaient la conquête. When they were doing what we call religious conquest. Jérusalem a été investi donc. Jerusalem was covered. Les musulmans ont pris donc le lieu de cette esplanade. The Muslims took over the holy place. Ils appellent maintenant ça le troisième sein de l'islam. And they call it now the third place of Islam. Le third holy place. The third holy place of Islam. Après la Mecque. After Mecca, oui, la Mecque et le truc qui tourne autour, la pierre qui tourne autour, il y a aussi Jérusalem. And the stone that they turn, vous savez, vous voyez dans la télévision comment il tourne tout autour chaque fois. Around that place. Alors, then, à Jérusalem se trouvent donc, comme on dit, les trois religions monothéistes là-bas. And in Jerusalem, there are these three religions there. Il y a ce qu'on appelle le mur de lamentation, qui est le reste de ces murs-là. There is what they call the wall of lamentation. En bas, donc, c'est pour les Juifs. Down is for the Jews. En haut, là-bas, là où il y avait ce temple-là, c'est pour les musulmans. Up, where there was the temple, they are for the Muslims. À l'encablure, là-bas, dans le caillou, là-bas, c'est pour les catholiques. In the stone there, where beside is for the Catholics. Et chaque personne dit qu'il est en terre sainte. Everybody say is in the holy ground. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, the Bible say in the book of Ezekiel, qu'il y a un troisième temple qui doit être bâti là-bas. That there is a third temple that is going to be built. Parce qu'à l'emplacement de ce temple là, because where the temple is, se trouve érigée une mosquée. There is a mosque there. En cette place, en lieu et place du temple. There where the temple was. Vous lisez le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation placée en lieu saint. That means when you see the desolation of this abomination placée en lieu saint. Sachez que c'est le moment. Know that the time has come. Il dit que Daniel a parlé de cela. He said Daniel spoke about it. Donc à l'endroit où le saint temple de Dieu était érigé, where the temple was built, se trouve érigé maintenant quelque chose à une autre divinité appelée Allah. this another thing that is bent to another god called Allah. Parce que c'est le désir de Satan d'entrer dans le temple de Dieu se faisant appeler Dieu. There is the desire of Satan to enter into the temple of God and call himself. Il avait dit qu'il devait construire son assemblée au niveau au sommet des montagnes. He said he was going to build his own assembly at the head of this mountain. Il est allé à la montagne de Sion là-bas, il a placé ça là-bas. I went to the mountain of Zion and put it on there. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 14. You can read it in Isaiah 40. Verset 12 en descendant. 12 downward. Et voilà tombé du ciel à ce brillant fils de l'aurore, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Donc c'est de ça dont c'est les questions. Donc pour le moment, ce n'est plus le temple de Jérusalem qui est là-bas, le temple de Dieu, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Et la Bible dit que ça doit être détruit. Ça doit être détruit et le temple sera rebâti avant que le Seigneur ne vienne se présenter chez les gens. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Barack Obama a disgracé. Vous savez que la capitale de Jérusalem, l'ambassade même ne se trouve pas à Jérusalem, c'est à Tel Aviv. Barack Obama making that. Donc il a de créer la séparation maintenant entre les États-Unis et l'Amérique. C'est ça qu'il veut faire, la zizanie. Les États-Unis avec Israël. Is causing now this division between USA and Israel. Donc ce sont ces choses qui vont entrer. Le moment arrive où les tensions vont être focalisées au Moyen-Orient encore. The time are coming where tension, war are going to start again in that very area. Parce qu'on va revenir, avec la capitale à l'intérieur de Jérusalem. Because they are going to bring back the capital into Jerusalem. Il n'y aura plus Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. There is no more going to be Jerusalem East and Jerusalem. Parce que les prophéties dans Zacharie disent que Dieu va frapper les nations pour son pays qu'ils ont divisé. Because prophecy say God is going to strike the nation because of the city that they have divided. Un troisième temple sera bâti là-bas selon le même modèle. The temple is going to be built there at the same place. Le problème maintenant, c'est que les musulmans considèrent l'endroit là comme pour eux. The problem is that the Muslims consider that place as theirs. Il faut détruire la mosquée pour construire le temple de Salomon encore. They need to destroy that mosque to build back the temple of Solomon. Donc ça sera chaud dans le monde. That means that one is going to be a tough war. Amen. Amen. Mais ça va arriver. But it will happen. Ça va arriver. It will happen. Amen. Amen. C'est bien comme on brosse la Bible comme ça, n'est-ce pas? Cinquième question maintenant. The celebration of Eggnog is human day. And Christians are supposed to celebrate it. Donc, l'autre aussi est trop court parce que j'ai déjà juste avec les réunions. Oui. En fait, le 8 mars, c'est le symbole de la rébellion des femmes. Oui. Le 8 mars, c'est le symbole de la rébellion des femmes. Donc, toute femme qui célèbre le 8 mars montre qu'elle est entrée dans la rébellion. Every woman who celebrates the 8 mars is proving that she entered into rébellion. C'est un autre désir de pouvoir lutter pour les droits des femmes, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et la femme. It's the desire to fight for the right of woman, that means equal right for man and woman. Suivez seulement les chants qu'elle chante chaque jour, ces jours-là. Elle dit que c'est le jour où on dit que Marie, c'est toi qui es entré à la cuisine aujourd'hui. Pas vrai? Ah, oui, c'est vrai. Les chants that they are singing that day, they say the man is going to be the one to do that. Donc c'est la journée mondiale de la rébellion féminine. It's the worldly day of rebellion of women. Donc, ça n'a rien à voir avec les chrétiens, à moins que vous soyez les chrétiens rebelles. Autre question. Women are supposed to wear earrings in the church or out of the church, or men wearing chains. Ok. Donc la question c'est, est-ce que les femmes doivent porter les boucles à l'intérieur, les boucles avec les chaînes et autres là-bas, les bijoux en gros, oui, hors de l'église et à l'intérieur de l'église. Tout à l'heure j'ai dit que et les hommes également. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un style de vie, n'est-ce pas? C'est un style de vie. C'est un lifestyle. Ça veut dire que quand on est en assemblée, ce n'est pas là où on est saint. When we are in assembly, that is not where we are. Parce que si tu es femme à la maison, partout, tu es femme. Because if you are a woman, everywhere you are a woman. Donc si Dieu exige une sainteté, il n'existe pas sainteté dans un endroit bien localisé. Donc if God is asking holiness, he doesn't request holiness in a particular area. Vous êtes prêts à ce qu'on réponde à ces questions sur bien les femmes? Are you ready so that we can answer this question? Toutes les femmes, si vous êtes d'accord, levez seulement la main. Si vous êtes d'accord, levez la main que je réponds. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne réponds pas. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous sommes d'accord qu'à 100%, elles sont toutes d'accord. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi vous avez fait percer vos oreilles? Quelqu'un peut-il donner une explication claire? La sœur s'est dit que voilà le doigt par là-bas, donc c'est elle qui peut dire. Donc c'est celle-ci qui va dire pourquoi elle a percé son oreille. Elle réfléchit encore. Donc elle ne savait même pas pourquoi elle a percé ses oreilles. Bon, prenons ici. Pourquoi tu as percé tes oreilles? Je n'ai pas percé mes oreilles. Un bébé. Donc tu n'es même pas accusé, donc on a empêché tes... Je retourne encore sur elle. Pourquoi tu pèses les oreilles des enfants, y compris d'abord pour toi? Peut-être c'est c'est ta mère aussi qui a pèsé ta... Pourquoi tu pèses les oreilles des enfants? Dis-nous. Parce qu'on sait que les oreilles de la femme doivent être toutes pèsées. Qui a dit ça? Oh, je suis née dans ça, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? Oui. Voilà. En fait, pourquoi je pose cette question, c'est pour amener notre intelligence, pour qu'on comprenne le pourquoi on suit, qu'en réalité on suit souvent les traditions sans en rendre compte. Oui. C'est comme ça qu'un catholique, tu vas poser la question, pourquoi tu pries Marie? Je dis qu'on a trouvé comme ça, non? Mon père était catholique, ma mère était catholique, nous sommes tous catholiques chez nous. Dis à ton voisin, vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez vous poser les bonnes questions. Pour avoir les bonnes réponses. Pour avoir les bonnes réponses. Ne suivez pas la tradition. Ne suivez pas la tradition. Bon, maintenant écoutez. Quand je pose la question, dites-moi par oui ou par non. Quand vous sortez, quand vous êtes sorti du ventre, on savait que vous êtes le sexe que vous êtes maintenant. When you come out from the womb, did they know that you are the sex you are now? C'est-à-dire quand tu sors, tu es fille. Quand tu sors du ventre, quand on te voit, est-ce qu'on sait que tu es fille, oui ou non? Si tu es garçon, on sait que tu es garçon directement en te voyant quand tu es sorti. Si vous voyez physiquement quand quelqu'un est sorti, vous savez que ça c'est un garçon, c'est une fille. Ça veut dire que ce que vous avez vu la marque de distinction des filles et des garçons. Donc, if you see the difference between man and woman. As they bought them immediately. That means you have seen the mark of distinction. Donc, percer les oreilles d'un individu n'est pas le signe pour connaître quelqu'un est femme. Donc, piercing the ear is not a mark to know whether someone. Parce que dès le départ, quand il est né, on a su que c'était la femme. Amen. Because at the beginning, when he was giving birth, you knew that he was a woman. Nous sommes d'accord. Si les gens sont dans la foule et que les femmes ne mettent pas de boucles, même parmi la foule, tu peux savoir que voici une femme, pas vrai? Donc ça dit que c'est pas les boucles qui montrent que quelqu'un est une femme. Oui. Parce qu'il y a les hommes qui portent les boucles. Jusque là, vous appelez toujours homme. Donc les boucles d'oreilles ne sont pas les distinctions pour les femmes. Amen. Ça veut dire qu'il faut chercher la référence quelque part d'autre. Amen. Et dans ce cas, dis vraiment le pourquoi on porte cela. Amen. Amen. Donc si quelqu'un me donne une réponse valable pourquoi il pèse les oreilles, vous allez voir effectivement que comme Ecclésia chapitre 9 a dit aujourd'hui, qu'il y a les pièges dans vos cœurs. Oui, là-bas. Amen. Oui. That's a contribution to give for that question. Yeah. Because when normally if women, people do not understand that they are women when they are born. Yeah. There are things that God placed in women. That if you apply, you know that this is human. That's clear. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Yes, it's natural because prayers can prove you that it is you alone. Amen. Amen. En fait, donc elle allait le dire comme ça en complément de ce qu'on a dit, pas vrai? Oui. Parce que si vous regardez une fille, vous savez que voici une fille, vous savez, il y a quelque chose qui vous a dit que voici une. Oui. Parce qu'il y a quelque chose sur les filles qui ne se trouve pas chez les garçons. Oui. Et vice versa. Oui. À la naissance, ils sont nus. Mais quand ils sont grands, vous pouvez toujours voir. Donc vous ne voyez plus la même chose que vous avez vu à la naissance. Amen. Et par contre, quand vous voyez autre chose, amen. Je n'ose pas appeler avec le nom à la bouche, c'est elle qui a dit cela. Amen. Amen. Amen. Voilà, donc quand vous voyez une femme, vous savez que c'est une femme, n'est-ce pas? Amen. Je veux qu'on avance sur une autre question. Oui. Quelle femme est mariée ici? C'est toujours à toi que je pose la question. Supposons que tu rentres maintenant, tu trouves ton mari, il a percé son nez, il a mis les boucles d'oreilles ici, il met un très grand boucle, il prend le reste de tes boucles d'oreilles, il met sur dans le nez. Tu es en train de dire que yo man, tu es rentré de culte, tu es rentré de culte. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça ne va pas m'intéresser, je ne serai pas content. Pourquoi? Parce que l'homme ne met pas les boucles. Qui a dit que l'homme ne met pas les boucles? Depuis la naissance, quand l'homme naît, on sait que ça c'est un garçon, l'homme n'a pas le droit de mettre les boucles. Depuis la naissance, quand la femme naît, est-ce qu'on sait qu'elle doit mettre les boucles? Parce que c'est une femme. Est-ce qu'elle doit mettre les boucles? Quand elle est sortie, il y avait un endroit pour les boucles? Non, non. Donc c'est nous qui avons fait ça, n'est-ce pas? C'est l'homme qui a créé. C'est l'homme qui a créé. C'est l'homme. Donc, allons donc dans la Bible voir quelque chose. Après ça, ça va régler le problème, n'est-ce pas? Oh, oui. C'est la Bible qui doit... Bible must settle the matter between any contestation. Amen. Amen. Amen. Exodus chapter 32. Exodus chapter 32. Exodus chapter 32. Que Dieu vous bénisse vraiment bien. Amen. Amen. Amen. Exodus chapter 32. Troisième livre de la Bible. Celle-ci, elle a fui Exode dans le Nouveau Testament. Elle est fatiguée. Donc, Genesis. After now, Exodus. Exode chapitre 32. Maintenant, nous allons lire d'abord en français à partir du premier verset. Vous êtes avec moi? Mm-hmm. Pasteur, tu es là, n'est-ce pas? Mm-hmm. Exode chapitre 32. Je veux surtout que les femmes aient ça devant elles pour qu'elles ne disent pas qu'elles n'ont jamais vu. Exode 32. Même si vous fermez vos yeux, vous ne lisez pas, vous allez entendre. Amen. Exode 32. Verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » 2. Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. » Stop. Vous, les femmes, vous avez vu ce qui est écrit? Donc, ça veut dire que les hommes et les femmes portaient les boucles. Oui. Donc, ça veut dire que si ton mari porte les boucles, vous êtes au même niveau. Ça veut dire que vous restez ici. Si vous êtes d'accord, si quelqu'un vous dit qu'un pasteur vous dit que c'est bon, que les femmes portent les boucles, on vient de voir là que les anneaux d'or ont été pris des oreilles des hommes et des femmes. Donc, ça veut dire qu'il faut que le pasteur lui-même commence à porter d'abord les boucles. Yeah. Earrings were in the eyes of men and women. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Or, ceci, ce n'est pas pour dire que l'homme et la femme doivent porter, c'est parce que c'était une perversion, ils sortaient d'un peuple qui était perverti. This is not to say that men and women should wear it. It is because they were coming out from a strange land, the land that is corrupted, the land of Egypt. Comme les mondains sont les Égyptiens. As the worldly people are the Egyptians. Pour être en règle avec Dieu. For them to be okay with God. Il faut que le père porte ses boucles d'oreilles. They need that. The father must wear La mère porte ses boucles d'oreilles. The mom must carry wear. Les enfants garçons portent leurs boucles d'oreilles. And the children boy. Et les filles également. And the daughter equally. Alors vous aurez donc les mixages avec les Égyptiens. And you are going to mix yourself now with them. C'est pour ça que vous voyez les gens marchent avec les petites amies aujourd'hui. Il a les boucles, elle a les boucles. And that's why you see somebody is walking with a friend again and he has earring. Si les deux entrent dans l'assemblée, if they two enter into the... c'est-à-dire que le garçon et la fille, and the boy and the girl, sur quelle base toi, le pasteur, tu vas dire au garçon que enlève tes boucles? On which base are you going to tell the boy remove your earring? En disant à la fille que laisse ta boucle. And say to the girl allow your own. Tu n'as pas de base biblique. You don't have any biblical. Parce que la Bible nous dit ici que l'homme et la femme portaient. Because here, the Bible said, man and woman were wearing the it. Vous saisissez, n'est-ce pas? Oui, understand. J'aurais souhaité avoir le temps pour entrer là-dedans dans Genèse chapitre 37 pour vous montrer effectivement que ce sont des divinités étrangères. Mais l'apôtre Pierre. We have time to enter into Genesis 32:37 to show that they are foreign born. Mais l'apôtre Pierre nous a déjà répondu ça, c'est dans 1 Pierre 3. But Apostle Paul, Apostle Peter has already answered on Ça a réglé le problème depuis, n'est-ce pas? It was already solved, so que vous ne devez pas avoir. That you should not be it like that. Donc si tu dis que tu es chrétien et que tu te moques d'une catholique. If you say you are a Christian and you are mocking Catholic. Et tu portes les boucles dorées avec toutes ces choses sur toi. And you wear earring with all the chains and everything on you. Elle a sa part de divinité qu'elle a extériorisée. She has her own God that she put aside. Elle adore ça loin. She worship it far. Tu as pour toi sur toi. You have your own on your body. Vous êtes identique. You are equal. Idolâtre. Two idol worshippers. Vous êtes identique. Two idol worshippers. Donc la seule possibilité pour que vous sortiez ici en étant en règle, c'est que ton mari porte les boucles. Donc the only possibility for you to go out from this place and be equal in good relationship is that your husband must wear earring. Et que si tu as deux enfants, un garçon, deux filles, tu achètes le boulot, tu achètes pour les deux. Donc, if you have two children, one boy, one girl, you buy the one for boy, buy the one for girl. Et puis envoyez les deux à l'école, vous allez voir ce qui se va se passer. And send all the two at the school, you see what happens. Que même les mondains ne seront pas d'accord avec toi. That even the worldly people will not agree with you. Enlevez donc ça tout simplement, d'accord? Donc, just remove your earrings. Il y a aussi des questions, du quoi? Oui. Mais je sais que c'est blessant. Mais souvenez-vous de ceci. Si vous dites que vous enlevez ça, vous mettez dans le sac. Vous venez comme ça pour que le pasteur voit. Votre sainteté, ce n'est pas au niveau du standard du pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour lui. Si vous gardez à la maison, on a déjà dit ici dans Deutéronome chapitre 10, qu'on ne trouvera pas chez toi une des choses abominables. Parce que tu seras aussi en abomination. Tu seras aussi comme cette chose-là qui est abominable, des choses de néant. Donc si tu fais comme ça, quand tu vois le pasteur, quand tu pars dans la réunion, on ne dit pas au marché, tu mets, tu as déjà été trompé. Ça vaut la peine d'aller chez dans le monde. Ok. Donc nous touchons maintenant le cadre des insectes avec des la, quoi, la viande étouffée. Les animaux comme ces grasshoppers que les gens usuellement frient et eat. Yes. Ils sont insectes. Yes. Voilà, c'est bon. Donc, il dit que la Bible déclare qu'on est, non, on ne mange pas les aliments étouffés, et puis avec les insectes qui ont les ailes, les aliments ailés. Oui. Bible says we should not eat insects that have wings and everything, and all these animals would die. Quelle était la nourriture de Jean-Baptiste, frère? Les sauterelles et les le miel. Donc, le miel avec les sauterelles. Donc, Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Les sauterelles, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, écoutez très attentivement. Dieu, en donnant, en prescrivant dans ce livre de Lévitique, chapitre 18 et 19, les choses qui sont impures et pures, voudrait prophétiser qu'en réalité, il y a des, au milieu le mixage entre le, un peuple impur et un peuple pur. By giving this law that they should not eat this which is impure, God was prophesying that in reality there is something pure and impure in the kingdom. Donc il y a le peuple impur et le peuple pur. There are people pure and the people impure. Il y a une race sainte et une race impure. There is a pure race and an impure race. Qui peuvent se côtoyer dans la ressemblance. They can mix themselves in resemblance. C'est pour ça qu'il peut parler d'un animal qui a les cornes mais pas avec les cornes fourchues avec les sabots. So that's why he can make description of an animal fiber. Vous allez voir par exemple que l'âne ressemble au cheval. You see, for example, that axe resemble, le chien ressemble à l'hyène. The dog resemble hyena. Les chats ressemblent par exemple au tigre et autres. Tiger. Ainsi de suite. Dieu les a fait des tensions que même si on se ressemble n'importe comment, il y a quelque chose qui doit les distinguer. God make it for the way that even we resemble ourselves anyhow, something must make a difference. Alors il a donné toutes ces choses en loi en Israël pour enseigner quelque chose de spirituel qui devait venir. He gives something as a law in Israel to teach something that was to come. Alors dans Acts chapitre 10. And in Acts chapter 10, lorsque l'apôtre Pierre était en train de prier sur la toiture, and when Apostle Peter was praying on the roof, pendant que l'ange était apparu à Cornelius, avant qu'on envoie qu'on parle le chercher, why the angel appeared to Cornelius, where he said that they should go and look for Peter. Une vision est venue à l'apôtre Pierre. A vision came to Apostle Peter. Une nappe qui était attachée à ses quatre coins. That was tied on the four places. On dit que sur cette nappe-là se trouvaient tous les quadrupèdes et les animaux impurs. That on that nappe was found, were found all the unclean animals. Et Dieu choisit, il ne choisit pas les bons animaux, il choisit que l'impur. God chooses but the impure one. Il donne comme ça à un juif. And give it like this to a Jew. À qui il avait déjà dit que Dieu ne mange pas ça. To whom he said you should not eat this thing. Il dit lève toi tu et mange. He said rise up. Eat, keep and eat. Ça ne passait pas dans la tête de l'apôtre Pierre. Peter was not agree with the dream. Il discute avec Dieu. He argued with God. Il dit Seigneur. He said, Lord, Seigneur, tu sais que depuis ma naissance, you know that from my birth, J'ai pas goûté ça. I'm not eating ce n'est pas aujourd'hui que je vais manger. It's not today I'm going to start. Je suis d'accord avec toi sur toutes les prophéties. Okay you, all prophecy. Mais l'autre si je ne mange pas. Particular one. Parce que tu avais déjà dit. Because you already said. Je suis habitué à ça. And I used to eat. Je n'ai jamais mangé. I'm not even eat it. La Bible déclare que Dieu a insisté trois fois. Bible say God did it three times. L'apôtre Pierre n'a pas mangé. Apostle Peter denied to eat. Après subitement la vision est sortie. After the vision went out. Dans la vision a montré à l'apôtre Pierre les animaux impurs et il commande à l'apôtre Pierre de manger. A vision showed to Apostle Peter impure animals and asked him to eat them. Mais il a refusé de manger. But he refused to eat them. Dieu a enlevé la vision sans le forcer. God removed the vision without forcing. Mais en enlevant la vision. But why removing the vision? Dieu a dit quelque chose. God said something. Que ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. That what he has declared pure. No one should look it as impure. Pourtant l'animal qu'il a donné, Dieu leur avait déjà érigé ça en impur. Why the animal that present him, God has already marked it as being impure. Mais il ne dit pas que les animaux qui sont obéissants sont devenus purs. It does not say that those animals has become pure. Mais il veut dire que si tu as la révélation de ce qui est contenu là-bas, tu vas avancer dans la révélation. He said if you have the revelation is what is inside, you continue in that revelation. Il n'a pas dit ce que Dieu a considéré désormais comme pur. It did not say what God has dedicated now as a pure. Or, quand il avance maintenant, après ça, pendant qu'il est en train de méditer là-dessus sur la vision, why is going on, why he meditated on vision? C'est là où on l'a appelé en disant que est-ce que c'est ici que se loge Pierre, Simon a volé Pierre. That is where they call for him and they ask him whether it is here that is Peter. À cet instant, la même voix qui discutait avec lui pour qu'il mange. And the same moment, the voice that was arguing with him for him to eat. Il dit que lève-toi, va avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. He said rise up and go with them because I'm the one who sent him. Dieu a laissé folle manière de parler. Amen. God has strong ways to speak. On lui dit les choses clairement, il commence à prendre les poules, mettre là-bas avec les poussins et autres, oh, que tu manges. Instead of telling him things straight, he started to bring him many things. Il a compliqué la vie à l'apôtre Pierre. Et make life to Apostle Peter. Il était là à méditer, mais qu'est-ce que ça peut signifier? He asked himself, what does it mean? Dieu ne répond pas à sa question, il dit que lève-toi, va avec eux. God does not answer, did not answer a question. I say, rise up and go with them. Jusqu'à ce qu'il entre chez Corneille. Until he enter in Cornelius' house. Quand il entre, il regarde les gens qui sont sur les quatre coins de cette maison là. And when he enter, he look the people who are in the four corner of the house. Il se rend compte que c'est chez les païens. He discovered that all them are pagans. Mais il a entendu une voix qui a dit lève-toi, va avec eux. And hear the voice that said, rise up and go with them. Le niveau où l'apôtre Pierre était dans le judaïsme. And the level where Apostle Peter was in Judaism. Si tu étais prophète. Judaism. Si tu étais prophète. If you were a prophet. Tu veux dire que Pierre. You say Peter. Dieu m'a montré cette nuit ce que tu passes chez Corneille prêcher. And that God showed me in the vision that you go for prayer. Pierre devait lui dire que toutes les prophéties que tu disais étaient vraies. Mais Peter would have said all your prophecies was. Mais l'autre aussi il refuse. il te faut la repentance. Vous voyez que Dieu lui-même a eu des difficultés à lui transmettre le message. Quand il est entré. Quand il est entré là-bas. Il a commencé par dire que vous savez qu'il est interdit aux juifs d'entrer chez les. C'est par là-bas que la prédication a commencé. La prédication a commencé là-bas. Il dit vous savez, vous savez ça. C'est pour dire que si ce n'était pas sur le plus saint, je ne viendrai pas ici. Mais il dit que Dieu m'a appris. Touch me. Dans la vision, avec les questionnements, il a appris ce que Dieu voulait lui transmettre. Il a dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme impur. God taught me how not to consider anyone as impure. Mais Dieu, dans le temps où il avait instruit ces animaux impurs, c'était nécessaire. But God, in that very moment that he instituted this unclean animal, it was necessary. Parce que dans ces passages de l'Ancien Testament, because in these passages of the Dieu a distinctement dit que ces choses-là, les manger du sang là-bas, c'est ça que les païens font. God said these things, eating the blood, that is what the pagans they are doing. À vous, c'est interdit. For you people, it is forbidden. Parce que Jésus saint, vous serez saint. Because I am holy, you shall be holy. Dieu voulait tout simplement montrer dans cet enseignement que lorsqu'il a déclaré que c'est saint ici, il faut qu'on considère ce qu'il a déclaré. God wanted to make people to understand that teaching that when he has declared something that is holy, That is what he has donc il prenait le païen pour symboliser le péché. Mais il avait un plan pour les délivrer de ces péchés-là. En prenant quelqu'un qui est dans le camp des saints pour aller venir l'annoncer, pour l'enlever de là. Vous voulez montrer que l'impurité ne peut enlever que être enlevée que par quelqu'un de saint. He was showing that impurity cannot be removed only by somebody who is holy. Et il fallait que ça soit un être humain. He need to be a human being. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre. That's why he sent Peter. L'ange est descendu du ciel. The angel came down from heaven. Ils connaissent toute la Bible. They knew all the Bible. On a vu comment il est venu expliquer les Écritures à Daniel. You see how they come, he come and explain the scripture. Mais quand il est arrivé chez Corneille. But when they reach for Corneille. Il a dit que le péché sur la terre, c'est entre vous les hommes. Envoie à Joppé appeler Pierre. Say to Joppé to go and call Peter. Pour qu'il vienne te dire les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. So that he will come and tell you the word by which you will be saved. Il dit que ma mission est terminée. He said, I have ended my mission. Il rentre au ciel. He'll go back to heaven. L'ange ne pouvait-il pas dire le salut? Angel was not able to preach the good news. Ne connaît-il pas l'objet du salut? Does he not know the meaning of salvation? Mais la Bible déclare que cette gloire-là est réservée aux saints. Bible said this glory is preserved for the saints. Quand on prêche comme ça, when we preach like this, et même au ciel désire plonger le regard. Even God himself is sent for his eyes to look down. Les anges. Les anges désirent plonger leur regard. Parce que la prédication, le pouvoir pour délivrer a été donné aux hommes. Because the power to deliver, the preaching, pour sauver les gens de la puissance des ténèbres. To save people from the power of darkness. Voilà ce qui est présenté là-bas. That is what is presented there. Et alors, dans l'Ancien Testament donc, and from there, from the Old Testament, il y a des choses qui sont érigées en loi et qui ne peuvent pas changer. There are things that are as law and they cannot change. Il y a des choses qui sont déjà accomplies. There are things that are already fulfilled. Il y a des choses qui entraînent encore dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. There are things that are still entering into the New Testament. Par exemple, for example, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, vous, pour demander pardon, il fallait que le sang soit versé avec un agneau. To ask forgiveness, they need blood to be shed. Aujourd'hui, si ils demandent encore avec l'agneau, la Bible m'arrête que je dis ça, il donne ça aux démons. Today, if I still ask forgiveness with the blood of the animals, Bible will mean that I do it for the demons. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était permis pour indiquer Christ Jésus. Because in the Old Testament, it was permitted to indicate Christ Jesus. Donc c'est terminé pour l'autre là. And that is ended for that one. Je ne sais pas si vous me saisissez. I don't know whether you are getting me. Donc cela est terminé, on ne peut plus pratiquer. That one is ended. Mais le problème, c'est que vous ne devrez pas effacer ça de la Bible. But the problem is that you cannot cancel it from the Bible. Parce qu'en regardant ces ombres-là, ça nous permet de comprendre la réalité. Because by looking into these things, you understand the reality. Malgré que ça soit passé et accompli. Despite the fact that it has already passed and accomplished. Il y a donc des choses qu'on ne peut plus le faire, on ne peut plus accomplir comme j'avais décidé. There are things that you cannot more do it again. Il y a des choses donc qui se trouvent dans l'Ancien Testament qui induit quelque chose dans le Nouveau Testament. There are things in the Old Testament that show something in the New Testament. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. It has not changed. Comme manger la viande avec du sang. And that like eating meat with blood. Lors de la première conférence de Jérusalem dans le chapitre 15. During the first conference of the church in Jerusalem. Il y avait une discussion entre les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui avaient cru parmi les païens et les pharisiens. There was a argument between those who believe in Christ. Among the pagans and among the Jews. Les pharisiens. The Pharisees. Concernant la loi de Moïse justement. Concerning the law of Moses. Alors ils ont convenu que allons résoudre ce problème à Jérusalem. And they say, let us go and iron the matter at Jerusalem. Ils sont arrivés là-bas. They went there. Après toute discussion. After all the arguments. La résolution sort que. The law was, the conclusion was given that. Il a plu en nous et au Saint-Esprit. That it was pleasant unto us and the Holy Spirit. Donnez-vous prescrire ce qui est nécessaire. That we must tell you only what is needful. Ça veut dire que ce qui est salutaire. Yes, that only the one that can bring to your salvation. Ça veut dire que et puis si il dit que vous devez vous abstenir de ceci. You must therefore abstain yourself from this. Il dit des viandes étouffées et du sang. Blood animal. Que, ça veut dire que c'est mort par étouffement. Die by. Par asphyxie. C'est le mot en anglais. Courage, frère. Alors, ça veut donc dire que le Saint-Esprit vient de réitérer que ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament n'a pas changé dans le Nouveau Testament. The Holy Spirit just confirmed that this part that is in the Old Testament has not changed. C'est ce qu'il a cité. Comme c'est dit, quand l'Écriture dit, on doit dire ce que ça a dit. Yeah. When the Scripture has said, we must maintain it as it has said. On ne doit rien y ajouter, rien y retrancher. We must not add anything or reduce anything. Et par la psion, on conclut avec quelque chose contre lesquelles vous ferez mieux de vous en tenir éloigné. So this thing you ought to stand far away from them. C'est ce que la Bible déclare à la résolution. Is what Bible said in the resolution. Donc que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens, que tu crois en Christ, ça ne change rien, tu n'as pas mangé du sang. Donc whether you be for pagan or the Jews, it changes nothing, you should not eat blood. Amen. Amen. Maintenant, quand vous lisez le livre de 1 Timothée, vous voyez, la Bible déclare que manger de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de quoi que ce soit. But when you read in the first Timothy, they say eat everything that is sold in the market without taking care of anything. Qui est déjà allé au marché voir le porc? Vous avez déjà vu le porc au marché? Oui. Manger. Mais pourtant, vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est interdit. Si vous lisez le Lévitique chapitre 11, le porc est clairement interdit. Vous lisez dans le livre, la Bible déclare clairement que Dieu va même détruire ceux qui mangent la viande de le porc. Mais ici, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que ceux qui ont connu la vérité prennent ces choses avec action de grâce. Amen. Puis conclut que tout est pur pour celui qui est pur. If you see swine meat in the marketplace, you eat it. Swine meat, pork meat, frère. Pork meat. You eat it because everything is sanctified by prayer and by the truth. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'il en est. Donc la viande, comme la Bible a dit, qu'on ne doit pas manger du sang. Ça veut dire que quand vous faites la viande avec du sang encore, on dit que je vais ça saignant. C'est interdit. Vous n'êtes pas, vous devez manger une viande que le sang est totalement cuit. So when they store say the one meat that you make me meat which carry blood, it is forbidden. Comme you have to wash the blood from it before. Ça doit être bien cuit. You must cook it very well. Comme les Asiatiques font, ils disent qu'ils font toujours ça saignant. As the people of Asia, they say they need it with blood. Dieu a dit le pourquoi on ne doit pas manger. Il dit la vie de toute chair est dans son sang. He said because the life of every flesh is in the blood. Si tu manges le sang comme ça pour Dieu, tu es un Dracula. If you eat blood like this for God, you are a Dracula. Donc un sorcier. A witch. Et un chrétien n'est pas un sorcier, pas vrai frère? And a Christian is not a witch. Amen. Amen. Autre question? Oui. C'est la même raison pour la viande étouffée. Absolument. Absolument. Oui, j'enchaîne, pardon. Avant qu'on ne sorte de la viande étouffée. Oui. Je vends les poulets. Oui. Et il meurt en terre. Il meurt en terre. Tu perds, frère. Hé, comment? Il faut enterrer. Vous ne pouvez pas manger. Si la poule est en train d'agoniser, vous pouvez couper le cou et manger. Merci. Mais dès qu'il est déjà décédé, vous ne pouvez plus manger. Amen. L'autre question maintenant concernant du fait que David ait versé du sang, c'est ça, n'est-ce pas? Que David ait versé du sang à la guerre pendant que Dieu avait dit que tu ne tueras point. C'est ça la question. Oui. Oui. If you are a poor man and come and meet your brother, your brother gives you a dead animal, then you eat it. Why the Lord say you should not eat it? You knew that he was a dead animal. Yeah, no. You did not know that he was a dead animal. Yes, you are helping your brother to wound his sin. Ok, bonne question. Donc la question c'est, si tu vas chez ton frère, chez un étranger, et qu'on te donne la viande étouffée que tu ne sais pas, si tu ne sais pas, ça n'aura rien. Ok, je pose la question. La nourriture, la viande que vous allez au marché, comme par exemple, il a dit tout à l'heure là qu'il fait les poulets. Quand ça meurt, quand il découpe, on lave, on ne peut pas donner. Quand vous achetez là, vous savez si oui ou non, c'est mort ou c'est lui qui a tué. Non. Les viandes que vous achetez au marché là, vous savez si le porc, on a empoisonné le porc avant qu'on a lavé le poison. Non. On ne peut pas savoir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'avant de prendre n'importe quoi du marché, vous allez prier. Amen. Vous devez prier. Amen. Et quel est-il de celui donc qui vend le bœuf qui est mort et tout ça? Non, c'est un usurpateur. La Bible a déjà réglé le problème dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit c'est que personne n'eut de fraude et de cupidité dans les affaires. Amen. Celui-ci est cupide parce qu'il ne veut pas perdre. Il est en train de livrer la cupidité pour ne pas perdre. Il fait ça dans les affaires. La Bible déclare que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais continuer dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire dans les mêmes ordres d'idées de poulet étouffé. Ça veut dire que si tu transportes, et comme généralement la chaleur les étouffe, ça veut dire que connaissant même déjà l'origine de leur étouffement, ça veut dire que si c'est, supposons que ce soit une marchandise, ça veut dire que tout le capital se perd. Justement, es-tu subi? Es-tu subi? Es-tu devenu fils de Dieu très haut? La Bible déclare que tu dois faire à ton prochain ce que tu aimeras qu'on te fasse. Maintenant, remarquez très bien que si vous êtes chrétien, vous faites ça, vous vivez dans le mensonge. Parce que si quelqu'un vient vers vous et dit que certainement si vous avez tué quand, vous êtes obligé de mentir. Parce que vous êtes, vous savez que si vous lui dites que c'est étouffé, il va dire que c'est mort, il peut acheter. Et par conséquent, par cupidité, vous allez entraîner dans le mensonge. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Et vous-même, vous ne pouvez pas donner ça à votre femme qui ne prend pas parce que vous savez ce qui est arrivé. Vous voyez ça, ça veut dire que vous n'aimez pas qu'on vous fasse cela, mais vous faites ça aux autres. Le chrétien ne doit pas être malhonnête comme ça. Amen. Oui, mon cher. Je crois qu'il y a l'autre micro là. Oui. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. On passe des bons moments, n'est-ce pas, frère? Oui, oui, oui. Ça délivre de la mort une fois. Amen. C'est toujours par rapport à ces viandes étouffées. Mais ça, vous aimez la viande par ici, ça? Ah, j'ai oublié que vous êtes dans le comptoir, là, on vend les viandes ici. Oui, il y a assez de viande par ici. Ah, l'abattoir. Ok, je comprends, je comprends. Ok. Si c'est étouffé. Oui. Quand tu ne manges pas. Oui. Parce que tu connais le mal. Oui. Et si le voisin désire manger. Si il désire manger, tu dis que c'est étouffé. Tu lui dis la vérité que c'est étouffé. Que donne-moi, tu lui donnes, il n'y a pas de problème. Et s'il insiste. S'il insiste que tu lui donnes, tu lui donnes. Mais tu lui as donné l'information que c'est étouffé. Je vous ai dit que les mondains ne sont pas tenus de respecter aucune loi de Dieu. Amen. Amen. Autre question? Oui. Alléluia. Amen. Je sens un peu de sujet. Je voulais savoir qu'est-ce que l'église. Je sais qu'il y a l'église physique et l'église spirituelle. Et je voulais savoir l'enlèvement de l'église. L'explication de ça et l'apostasie. Amen. Amen. Bon, si vous le trouvez bon, ce genre de questions, on développe dimanche prochain. Si vous le trouvez bon, okay. Si vous le permettez, on développe ça dimanche prochain parce que Amen. C'est tellement long que si on prenait encore 5 heures de temps là-dessus. Amen. Amen. Si il dit que si vous le trouvez bon, à moi si vous voulez qu'il réponde maintenant. Si vous voulez 18 heures nous arrive, ça nous arrive. Non, parce qu'il a posé la question, qu'est-ce que l'église, l'enlèvement de l'église, l'apostasie. Amen. Le jour où j'ai enseigné ça pendant 9 heures de temps. C'est un enseignement de 9 heures qui est là. Dimanche prochain. Dimanche prochain, plaise à Dieu, on sera là. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais savoir, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Bon, maintenant, je reviens au niveau de l'appel. Oui. C'est-à-dire que, comment un homme connaît-il qu'il est appelé de Dieu? Et quels sont les signes? Bonne question. Donc, je crois qu'on va en mettre ça dans le volet. Parce que la question, qui est chrétien? C'est quoi l'église? Implique automatiquement le fonctionnement et les places dans l'église. Donc, maintenant, quand vous êtes proche, approchons ça dimanche prochain. Amen. Mm-hmm. Amen. Mais gardez votre question parce que je vais venir pour les répondre. Oui. D'accord, frère? J'ai une autre question. Oui. Si c'est une question de dimanche prochain, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Il y a le plus important, c'est qu'il soit posé. Quand nous parlons de prophétie, oui. Quand on est sûr que la prophétie est donnée par un bon prophète de Dieu, oui. Est-ce que cela s'accomplit toujours? La prophétie, Dieu dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Parce que la Bible déclare dans le livre de Pierre que ce n'est pas par une volonté donc qu'une prophétie ait jamais été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a parlé et par conséquent Dieu va faire accomplir sa parole. Parce qu'il dit aucune des paroles ne peut tomber de Dieu, ne peut retourner à lui sans avoir accompli ses desseins. Donc si c'est une prophétie de Dieu, ça doit s'accomplir. Mais il y a maintenant les choses qu'il faut expliquer. Même ça, également, je vais revenir là-dessus en profondeur. D'accord. Pour vous montrer effectivement qu'il y a des prophéties qui peuvent être changées. D'accord. Dans la Bible, Amen. Ces choses-là, si on ne comprend pas, on peut te dire quelque chose sans te dire le pourquoi. On te dit par exemple que tu vas avoir un enfant, comme par exemple, j'ai donné une prophétie sur le Cameroun. Par exemple, il y a des prophéties concernées. Pendant qu'il t'en est de prier. Why I was praying. C'est un message qui est sorti pour le président de la République. Ça se trouve sur Internet. Même dans son site, dans le site de la présidence, ça a été posté là-bas. C'est le titre, c'est Message au président de la République du Cameroun. C'est sans équivoque, sans détour. Dieu lui commande d'ordonner une journée de jeûne et de repentance pour le Cameroun. God is asking him to decree a fasting day of repentance for Cameroun. Parce que c'est fort ce qui se prévoit sur le Cameroun. Dieu lui commande. C'est de cette façon que c'est dit. A day of fasting and repentance in Cameroun. Mais ça, cette prophétie a deux volets. This prophecy has two areas. Le deuxième volet, j'ai pas parlé dedans. The second one I did not say it yet. La deuxième partie, c'est sinon. If not. S'il ne le fait pas. If not. L'autre là, j'ai gardé. That one I kept it. Voilà le problème. Vous voyez, et maintenant avec les gens, ils commencent à dire prier pour le Cameroun pour telle chose, pour tel événement, pour telle chose qui va arriver. Faites ceci, sachant que. Est-ce que vous comprenez? Si vous lisez votre Bible dans le livre de 1 Samuel, vous allez remarquer plusieurs fois quand on poursuivait, quand Saül poursuivait David. If you read your Bible in the book of 1 Samuel when Saul was pursuing David. David arrive quelque part, il est chez les il part chez les Philistins. And David reached somewhere, he went to the Philistines. Les Philistins, il pose la question au Seigneur, Saul vient ici, est-ce que les Philistins ils vont me livrer entre les mains de Saul? David asked the question to God, if Saul came here, did the Philistines are going to hand me over to Saul? Dieu a dit oui, ils vont te livrer. God said yes, they are going to hand you over to Saul. Dieu a dit clairement que s'il vient, ils vont te livrer. God said yes, they will do it. Ça a permis à David de fuir pour partir. It permit David to run away. Parce que c'est une prophétie conditionnée. Because it is a prophecy conditionnée. Parce que ça lui a donné l'orientation maintenant que la position c'est que s'il reste ici, voici ce qui va se passer. Donc, it gives him the position that if I stay here, that is what is going to happen. Ça lui permet donc de dégager pour que ça n'arrive pas. And then for he went away so that it will not happen. Mais la prophétie dit qu'on est censé le livrer. But prophecy says the supposed to hang him. Mais là, on ne l'a pas livré. But they did not do it. Parce qu'il est parti. Because he went. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Yeah, donc, il y a des prophéties qui sont conditionnées. Donc, there are prophecies with conditions. Il y a des prophéties irrévocables. And there are prophecies that cannot be changed. Comme par exemple pour le diable, on dit qu'il sera jeté dans le feu pendant 1000 ans. For example, the devil, they say he'll be thrown into the fire for lui-même, il lit ça dans la Bible, ça l'énerve. When he himself read it in the Bible, he's angry. Mais ça, il ne peut rien faire, ça va s'accomplir. Le Seigneur a promis dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé, je viendrai vous chercher. Et là, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais là, ça ne dépend pas de quelqu'un. Il a donné une prophétie qui part et il revient. Personne ne peut bloquer ça. Amen. So in the book of John 14:1, he said, "Believe in God, believe in me. There are many mansions in the house of my Father. If they will not, I will have told you, I am going and I am coming back to take you along with me." This prophecy does not depend from anybody. He's going to do it, fulfilling. Nothing can stop it. Il faut avoir la grâce du prophète, de l'esprit du prophète pour saisir même le message d'un prophète. You need the grace of a prophet to even understand the message of a prophet. Ta question m'indique que tu en es de vouloir virer comme ça vers la prophétie d'un certain serviteur de Dieu qui a parlé de l'élection présidentielle américaine. Your question is trying to lead us through a prophecy of a man of God who has spoken about American presidential election. Prophétie riche de redondance et de révélation. J'ai entendu parler de ça au quartier, mais moi je n'ai pas suivi le direct des autres prophéties. Donc ça veut dire que tu fais le ministère du Congo, ça. Alors dans ce il faut qu'il suive lui-même la prophétie. Amen. Amen. C'est là où vous allez comprendre les contenus des messages prophétiques. Comment c'est pas facile de transmettre une prophétie. Vous voyez? Mais quand c'est poussé par le Saint-Esprit, il parle n'importe comment, ça va arriver tel que c'est dit. D'accord, frère? Donc, dimanche, si vous voulez, on commence par là avant d'entrer dans ce domaine. C'est parce que ça touche le domaine, parce que tu parles de l'appel. Ça touche l'appel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs. Demain, tu entends qu'il est apôtre. Après, tu entends qu'il est devenu prophète. Tu demandes que c'est dans quelle Bible tu lis. There are people, you see them today, they are pastor, tomorrow apostle, tomorrow they are prophet. You ask them from which Bible is it written. Tu viens chez lui, tu vois maintenant le, quoi, le, la, le cadre de photo du diplôme que nous certifions qu'il est pasteur. You see the... diplôme. Il y a un diplôme on the wall où certifié that he is a pastor. Un autre diplôme maintenant que c'est une autre université certifiée qu'il est apôtre. The other one is saying that he is apostle. L'autre dit maintenant que nous de l'école des prophètes on se signe qu'il est maintenant prophète. The other one of the school of prophets say he is not a prophet. C'est la Bible ça frère. Is it the Bible brother? Vous avez vu des choses dans la Bible? Have you seen those things in the Bible? Le corps de Christ n'est pas le corps des militaires ou on quitte des sergents à sergents chef. The body of Christ is not the body of those who will lead from sergent to sergent chef. Vous êtes ici, n'est-ce pas? On quitte des commandants à colonel. We lead from commandant to colonel. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de toucher ça parce que beaucoup de personnes qui sont dans un office se trouvent à ordonner notre office en train de faire quelque chose que Dieu ne leur a pas donné. Et là, ils sont sous l'onction que un autre esprit peut les utiliser. Those people who got under an office and then now they are in another office, they can be doing something that God has not called them for. Parce que tous les appels ont un territoire limité, une limite. Because all the colleagues has a limited territory. Donc une limite assignée. A limit that they have offered it. Donc quand Dieu te donne une limite que ici, ta part c'est d'exhorter, n'essaie pas d'aller délivrer. Donc when God give you a limit that you are only is to encourage, not to go and deliver people. Si quelqu'un a besoin de la délivrance, if somebody need deliverance, envoie cette personne vers la personne qui a la grâce de la délivrance. Send this person to the person who has the grace of deliverance. Fais ce que tu as à faire. Do what you have. Le fait que tu fasses seulement l'exhortation ne veut pas dire que tu n'es pas de chez Dieu. The fact that you are only simply making exhortation does not mean that you are not of God. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. The First Peter 4 verse 10. La Bible déclare que comme les bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. As good ministers of the diverse grace of God. Que chacun de vous mette au service des autres. Let everyone put at the service of others. Le don qu'il a reçu. The gift that he has received. Donc ce que tu as reçu. What you have received. Mais au service des autres. Put it at the service of the church. Si tu n'as pas reçu quelque chose. And if you have not received anything. Tu veux mettre quoi au service des autres. You are going to put what at the service of others. Donc c'est un don. You have a gift. Ne prends pas trois. Ne commence pas à imiter un autre don en dehors du don que tu as. Don't start to imitate another gift. C'est le don que Dieu t'a donné qu'il protège. If the gift that God has given you now protects. Et c'est à ce don là que ton territoire est limité. And if it is this gift that your territory is limited. Si tu vas hors de cela, if you go far from it, tu glisses dans le territoire de Satan. You are going to enter into the territory of Satan. Voilà, on va parler de cela la semaine prochaine. On va be talking about it. Lorsqu'on va toucher l'église et toutes ces autres choses. We are going to touch the church and all the rest. Amen. Amen. Posez la question. Je suis là. C'est vous qui allez dire que arrête. Oui, après la question du frère André, on devrait marquer une pause. Oui. Gloire à Dieu. Je voudrais savoir si je peux aller au village là, porter les crânes. C'est-à-dire tous les crânes et les autels qui sont chez nous là. Oui. Oui, physiquement. Et les jeter ou les brûler. Oui. Ou bien quelle est la procédure divine de destruction? Tu es à Douala, n'est-ce pas frère? Oui. Laisse les crânes où ils sont. D'accord. Voilà. Il ne faut pas chercher les problèmes. Pardon, un instant, je vais revenir. Il ne faut pas chercher les problèmes et vous croyez que Dieu va vous défendre. Don't go and look for problems. You think that God is going to defend you. Dans Juges chapitre 6. In Judges chapter 6. C'est Dieu qui a dit à Gédéon d'aller couper le pied, prendre le pied de son père et renverser. Yeah. God is the one who instructed Gideon to go and draw the legs of God. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 et suivant. Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 11 and 4 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. We are not fighting against flesh and blood, mais contre les dominations. Contre les principautés. Principalities and powers, contre les princes de ce monde de ténèbres. Against the rulers of darkness on this world, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Against the spiritual wickedness in high places. Alors par conséquent, si nous sommes encore, et Jésus a dit qu'il nous laisse dans leur territoire. Jesus says is aligning them in their own territory. La Bible nous enseigne que le Dieu, le siècle a un Dieu. The Bible tells us that this age has its own God. Quand Jésus en partant nous a dit vraiment courage à vous hein. While God was going, Jesus was going. Après il a donné une bonne prophétie. Il a dit vous aurez des tribulations. Courage, vous aurez des tribulations. Il leur explique en réalité c'est parce que c'est le prince, quand il parle le prince de ce monde s'y arrive. He say as he is going, the prince of this world is coming. Donc il ne vient pas pour nous caresser au sang du poil. He is not coming to pet us. Et par conséquent, c'est une chose dangereuse que d'aller affronter l'ennemi avec son arme à lui. It is dangerous to go and attack the enemy with the weapons of the enemy. Quand Gideon est allé casser ces choses-là, Dieu était derrière maintenant pour le défendre. And when Gideon went and destroyed those things, God was backing him. Parce que si, quand, comme c'est Dieu qui a dit, si n'importe quoi arrive, Dieu va tenir parce que c'est lui qui a envoyé Gideon d'aller. As he was going, if whatever may happen, God is going to back him. Because si tu vas maintenant, tu portes le cancer, qui t'a envoyé? But if you go there now, you have cancer. Who sent you? Donc laisse l'écran là, ils sont d'accord, frère. So allow those things where they are first of all. Si le Saint-Esprit te donne une instruction. If Holy Spirit gives you an instruction, il faut faire quoi selon qu'il a dit. Do according to the instructions. Il y a des chrétiens qui croient effectivement qu'avec l'audacité, ils peuvent faire des choses pour Dieu. Some Christians think that with their audacity, right, yes, they can do something for God. Or, la Bible déclare que le Seigneur ne faisait rien d'abord sans avoir vu le Père faire. But the Bible said Jesus Christ was not doing anything without seeing the Father doing it. Il y a des chrétiens qui savent que dans notre village, il y a un arbre qui est consacré. There are Christians who know that in our village there is a tree that is consecrated. Il part à côté. How excellent is your name, oh Lord, it no to. How excellent is your name, oh Lord. Après il vient couper. After he come and cut. Et ça amène la malédiction dans sa ligne. And he bring curse in his seat. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas confronter les puissances spirituelles avec les pensées humaines. So you are not going to fight those powers with your human thought. Yes. Et tu ne dois pas le confronter avec tes désirs charnels. And you are not going to challenge them with your evil desires. Parce que ces crânes-là, il y a des esprits derrière qui poussent les gens à aller adorer. Because those core heads, there are spirits behind. That makes people to worship them. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la viande n'est pas le problème. Que ce n'est pas la table qui est le problème, c'est celui qui est derrière la table. That's why Apostle Paul said the meat is not the problem, the table is not the problem, but the person behind the table. Donc si tu vas sur une table pour aller prendre ces choses-là sans avoir le mandat, l'esprit là va te traiter. So if you go there without receiving the mandate for that thing, that spirit is going to deal with you. Donc ne t'avance pas tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit. So don't go further if you are not heard from the Holy Spirit. Amen. Amen. C'est toujours avant de voler. Parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent à cause de leurs parents. Oui. Parce que les parents adoraient les idoles. Bon. Quand ils sont chrétiens, ils souffrent de cela. Oui. Or, la Bible dit que la faute du Père ne doit pas retomber sur le Fils. Oui. Alors, comment on va résoudre cela? Bonne question. S'il ne finit pas cette question ici aujourd'hui, même si l'on va renvoyer à dimanche. Parce que si vous lisez la Bible, vous lisez dans Ézéchiel chapitre 18. Oui, veuillez éteindre, oui. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 18, vous allez voir effectivement que il dit effectivement que le parent ne porterait pas l'iniquité du fils et le fils ne porterait pas l'iniquité de son père. Yeah. Ézéchiel 18, il dit, you know, the child will not carry the iniquity of the father and the father will not carry the iniquity of the child. Pour dire que chacun est responsable devant Dieu. You say that everybody is responsible before God. Mais ce que la Bible en train de dire là, c'est que tu ne peux pas pécher, on vient t'accuser. What Bible is saying here is that you cannot sin and then they come and accuse the other person. C'est différent et totalement différent de Exode chapitre 20. It's completely different from Exodus chapter 20. Où après avoir parlé contre l'idolâtrie. That after talking about other worship. Il a dit que cette idolâtrie-là permet qu'il frappe jusqu'à la troisième et quatrième génération. He said that idol worship will permit him to strike onto third and fourth generation. Parce que lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité. Because when you worship God, it is in truth and spirit. Avec tout ce qui est en toi. And with everything that in you. Quand tu pars devant les idoles. When you go in the front before the idol. En tant que père de famille. As the father of the family. Tu livres toute la famille sous cette idole là. You are sending the whole family under the idol. C'est terrible. Yeah. C'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre ce qu'il a dit dans Ézéchiel 18 et ce qu'on dit dans Exode. Quel est le péché qui ne suit pas les enfants? That is why we must make the difference between what is said in Ezekiel 18 and what is said in Exodus 20. On parle dans Ézéchiel. The sin that does not follow children. On parle d'Ézéchiel 18 des péchés que chacun commet individuellement. Ezekiel 18, they talk about sin that everyone commit. Parce que le parent ne peut pas aller commettre l'adultère, on vient frapper ça sur son fils. Because the child cannot go and commit adultery, they come and punish the child. Mais l'idolâtrie c'est une autre chose, frère. But idol worship is different. Parce que le pacte de l'idolâtrie, Satan ne fait pas le pacte avec une seule personne pour lui-même. Because idol worship covenant is not made by Satan with one man. Ça implique toujours les innocents. They always go with the innocent soul. Il y a des pactes, par exemple, des gardiens de village. There are part of village keeping. Vous naissez dans un village où il y a un esprit qui garde le village. You be born in a village where there is a spirit guiding the village. Il y a des villages où c'est les panthères qui gardent. There are villages where there are panthères that keep the village. Juste parce que les gens ne peuvent pas venir voler là-bas la nuit, venant d'un autre lieu. Toi, tu vis dans le même village, tu es sous cette protection. Oh, tu n'as rien à voir avec quand on faisait ce pacte-là. Alors, quand l'alliance doit être brisée, c'est pour tout le monde là-bas. So when the covenant is going to be broken, it shall be for all men there. Tu quittes la ville, tu quittes le village, tu pars toi quelque part. You leave the village, you go somewhere. Un des seuls jours quand on prie, and one day when they were praying, tu entends, tu commences à manifester le tigre. You hear, you start manifest the tiger. Tu dis, c'est moi qui suis son gardien. You say, I am the one who keep him. Après, on te demande, est-ce que tu as fait un alliance? Tu dis non. And they ask you, have you made a covenant with him? Alors que l'alliance du village impliquait tout le monde. The covenant with the village. Toi tu n'es pas allé faire cette alliance là. You did not go and do that very covenant. Il y a des francs maçons. They are Freemasons. Qui mettent le nom de leurs femmes avec tous leurs enfants. Who put the name of their wife and all the children. Jusqu'à y même etc. Vous dites que ceux qui ne sont pas encore nés. Donc quand tu nais, ça complète dans etc. Donc when you are born, enter in etc. Ne dis pas que quand ce que ton père a fait n'a pas fait n'a rien à voir avec toi. Don't say that what you have said your father have done has nothing to do. La malchance c'est que tu es sorti de chez lui. Amen. The bad luck is that you come out from him. Amen. Amen. Voilà. Alors si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 24, if you read Deutéronome chapter 24, il dit l'Ammonite et l'Amoréen n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Are not going to enter in the gathering of Même à la 15e génération. Even to the même à la 15e génération. Which generation? Ouvrez donc. Open. Deutéronome. Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome chapitre 24. Premier verset d'abord. Lorsque un homme aura pris et épousé, Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 1. Lorsque un homme aura pris. Non, prends le chapitre 23. Chapitre 23 de Deutéronome. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, si tu fais l'accident, tes testicules coupés, tu es mal barré. Continuons. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Vous avez entendu ça? Hein? La dixième génération, continuons. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Puis on explique le pourquoi. Allons-y. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor. Amen. De Pétor. Vous avez entendu ça? En Mésopotamie pour qu'il te maudisse. Vous avez entendu ça? Donc voici un style de malédiction qui est retombé sur eux parce que Dieu avait d'ailleurs dit maudit soit quiconque te maudit et je bénirai quiconque te bénira. This is a time of curse that fall upon them because God said whosoever curses Israel shall be cursed and whosoever blesses shall be blessed. Les gens se posent la question pourquoi Dieu est si dur. The people ask themselves question why God is so hard. Hard, yes. Quand Dieu agit, il connaît, il est omniscient. When God acts, is conscious of his actions. Alors, lorsque les Égyptiens, voici un monsieur qui est israélite au temps de Pharaon. When this man who is Egyptian in the time of Pharaoh. Il en est sorti de l'Égypte. He is coming out from Egypt. Il traverse le territoire de celui-ci Ammonite, celui-ci Moabite. He is going through the land of Ammonite and Moabite. Celui-ci le regarde, il a soif, il ne lui donne pas l'eau. This man look at him, he's thirsty, he doesn't give him. En plus de cela, more to that, son chef est allé prendre, son chef, le roi Moabit, Balak. His king, Balak, est allé prendre un prophète pour venir maudire Israël. And he went and took a prophet to come and curse Israel. Et quand le chef signe un dossier, un décret, ça prend tout le pays. When a king signs a decree, it concerns all the country. Parce qu'il porte celui l'onction de tout le pays. Because he carried the anointing of all the country. Il est allé pour maudire. Donc c'est Moab qui maudit pas le roi Balak. Donc Moab is the one who curses, not the king. C'est pour cela que si notre président ratifie une convention internationale, on va dire que le Cameroun a ratifié. Yeah, that's why our head of state, when he signed a convention, they say Cameroun has signed. Même s'il n'est pas là demain, ça engage le Cameroun. Even if he is not there tomorrow. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know whether you understand. Alors longtemps après, far after, vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on va toucher le cas du roi Saül. Dieu dit ici donc que l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas même à la dixième génération. Il dit Ammonite et Moabite will not enter the land and the assembly even for the tenth generation. Vous avez dix générations. Donc quoi? Ils disent le pourquoi ils ont refusé l'eau et en plus ils ont appelé Moab pour que Moab les Balaam pour qu'il bénisse. Ils maudissent à prix d'argent. They refuse water and they even call Balaam to come and curse the people. Voici la question. Première génération. First generation. Ceux qui sont en train de sortir ici disparaissent. Those who are coming out, they disappear. Ceux qui n'ont pas reçu aussi disparaissent. Those who have not received, they disappear. Puis viennent les enfants de celui-ci. So the children of the one they came. Qui n'étaient pas aussi sortis de l'Égypte. They did not come out from Egypt. Puis viennent aussi les enfants de ceux-ci. Then come the children of this one. Qui ne connaissait pas ce qui s'est passé. Who did not know what happened. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce que leurs parents ont fait. Why did they have to see what their parents do? Vous avez vu le problème, non? You see the problem. Donc faites attention. Il y a des engagements donc qui vous montez ou descendez, ça vous touche. There are covenant that whether you like it or not, it will affect you. Même si tu es chrétien. C'est pour cela que la puissance de Saint-Esprit doit littéralement te transporter du puissance des ténèbres vers la lumière. That's why the power of the Holy Spirit must necessarily takes you from the power of darkness to the kingdom of light. Écoutez, translater. So that it will transfer you. Donc si tu restes dans la famille en disant tout simplement en confessant que Jésus est mon Seigneur, mon Seigneur, il n'y a pas de problème. Attends d'abord. If you remain in the family simply by confessing that Jesus is Lord. Sans que le Saint-Esprit n'ait opéré une transformation de nouvelle naissance. Without the Holy Spirit operating a transfer of new birth. Alors l'hôtel familial va parler contre toi. And if not, the family altar is going to speak against you. C'est ça donc qui a arrêté la vie de la majorité de ceux qui se disent chrétiens. This is what stop the life of many people who are called themselves Christians. Et nous fait tourner en rond. And make them to turn around. Vous voyez une femme chrétienne dans une famille, tous les filles ne se marient pas, elles-mêmes elles subissent le même sort. You see a Christian woman in a family where women does not marry, how as a Christian is concerned. Un homme qui est dans une famille dit chrétien, les gens ne trouvent pas de travail, lui-même subit le même sort. A man that is in a family and people are not getting job, he himself is a Christian, is following the same. Pour qu'il voit 25 sur le sucre, il faut qu'il fasse beaucoup de négociations. For him to have 25 over a sugar as profit, he needs many negotiations. Mais vous allez dans la Bible. But you go into the Bible. Il est champion pour réciter 2 Corinthiens 5, 17. He is a champion to quote 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, if somebody is in Christ, il est une nouvelle créature. He's a new creature. Les choses anciennes sont passées. Every old thing has passed away. C'est vrai lorsqu'on est en Christ. It is true when we are in Christ. Quand on est en Christ, on est caché avec Christ en Dieu. When we are in Christ, we are hidden with Christ in God. Véritablement, la puissance de l'autel n'a plus le pouvoir sur nous. Truly, the power of altar does not have power any longer on us. Il faut que ça se s'opère. For it to operate, il faut que tu sois plongé dans le Saint-Esprit. You need to be soaked into the Holy Spirit. On appelle donc ça, nous avons été baptisés dans un seul esprit. They call it, we have been baptized in one spirit. C'est pas ça dont je parle. It's not that what I'm talking about. Je parle du baptême authentique du Saint-Esprit. I'm talking about the true baptism of the Holy Spirit. Ce qui te donne autorité sur les esprits impurs. And what gives you authority over unclean spirits? C'est que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. What the Bible calls the person in you is greater than the one that is in the world. Si vous voulez rester au milieu des gens comme ça, quand on chante, tu chantes à la chaleur, tu crois que c'est la chaleur là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. When you sit in the gallery of people like this, when they sing, you feel that heat is the Holy Spirit. Quand tu vas sortir du milieu, il y a cette chaleur. When you are going to come out from that heat, chez toi, tu vas trouver le vrai problème. You are in your house, you will find the real problem. Tu vas savoir que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire pour les chrétiens. You will know that the baptism of the Holy Spirit is necessary for the Christian. On va encore développer cela dans la question. And we are going to develop it by the grace of God, the question. Amen. Amen. C'est bon, pas vrai? On peut baisser la tête, on va prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Merci Père de gloire parce que ton esprit a dirigé ces paroles droit dans les cœurs qui avaient soif de toi et dont tu t'es révélé à eux. Je prie au Dieu de gloire que sortant d'ici Père de gloire, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, si tu le permets, que rien dans leur vie ne semble plus être même, mais que tu leur donnes de te chercher en esprit et en vérité. Donne-leur au Dieu de gloire de comprendre effectivement la nécessité d'abandonner totalement le monde et de ne pas jouer avec le monde. Donne-le de comprendre, ô Dieu de gloire, qu'il s'agit de toi et de toi seul, et que personne ne doit se remettre sur ses pensées égoïstes. Donne-le de comprendre, ô Dieu de gloire, que tu as donné toute ta vie pour les sauver, ils doivent abandonner tout ce qui est dans le monde pour te suivre. Donne-le de comprendre, ô Dieu de gloire, qu'il ne s'agit pas d'une pensée humaine, ni de tradition, mais du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Donne-le de saisir ceci, Père de gloire, que c'est nécessaire pour leur salut, pour ce temps mauvais, ce temps de grands péchés comme ça de vivre, Père, que tu veux un peuple sans tâche ni ride. Donne-le de vivre dans la sainteté, Père, et que la vie de quelqu'un soit transformée radicalement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te les recommande entre tes mains. Je prie, Père de gloire, que tu les gardes, que tu gardes leur âme, leur esprit, oui, afin que si on ne se rencontre pas, Père de gloire, qu'on se rencontre dans la gloire ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.